bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue. De 10 ans d'émission deux fois par semaine, dorénavant plus le lundi, le vendredi, 20h30, 22h. RIG 90.7 FM, RIGFM.fr, on est ensemble donc pour la troisième émission de la saison, à la veille de ce troisième match pour les Girondins, le deuxième déplacement. Le premier d'une série de deux, puisque la semaine prochaine nous nous déplacerons encore une fois. Demain ce sera à Dijon. On va évidemment parler de ce match dans l'émission, en deuxième partie de l'émission, la présentation, les clés du match. Et nous aurons pour cette occasion notre ami supporter dijonnais Étienne, qui nous présentera le nouveau Dijon de cette saison, les forces et les faiblesses de cette équipe dijonnaise. On reviendra également sur le match nul pour la première à domicile, c'était le week-end dernier face au Montpellier, un but partout. Lors de la deuxième journée, le mieux vu en deuxième mi-temps peut-il se concrétiser, se pérenniser dans le temps, peut-il durer? On va vous poser la question. On fera un petit focus sur les filles, parce que le championnat reprend ce week-end et là... ce week-end, demain. Demain à 15... Ah, j'ai un doute. 14h30 à Saint-Germain. Ouais, j'hésitais. Ouais. Et c'est 5 euros la place. Et c'est gratuit pour les abonnés. Bah, c'est encore, enfin, encore pour les 100% de... Bordeaux. Exactement. Ah, parce qu'on peut être abonné et pas 100% Bordeaux. Je sais plus. J'ai un doute. À un moment donné, je sais que non, et je crois qu'ils ont changé ça, mais je suis pas d'accord. Sûr. Ok, très bien. Moi, j'ai rien compris de toute façon à ce truc. Pas de souci. On reparlera évidemment de ce début de saison, et on va accueillir dans quelques instants, voire même tout de suite, Monsieur Laurent Calipe, ex-recruteur des Girondins de Bordeaux, pour revenir sur ses déclarations et son petit cri d'alarme poussé la semaine dernière. C'était dans un média. Je vais retrouver l'article. Le média anglais. Voilà, je cherchais le média anglais. Oh, on va revenir. T'inquiète, j'ai la petite brève sous les yeux. On va y revenir tout de suite donc, et on commence l'émission, messieurs, avec notre invité du soir. C'est Monsieur Laurent Calipe. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour les petites présentations quand même pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, vous étiez jusqu'à encore très récemment un membre de la cellule recrutement du FCGB. C'est ça. Ça correspond à peu près, voilà. Tout à fait. Et alors déjà, on va essayer de clarifier peut-être une certaine situation. C'est vous qui avez décidé de quitter le club, ou c'est la nouvelle direction, les nouveaux arrivants qui ont décidé de dire, ben voilà, on renouvelle un petit peu nos effectifs et on se sépare de vous, pour que ce soit clair. C'est passé tout simplement pour que ça soit clair. Quand je suis arrivé au Girondins de Bordeaux, on ne savait pas avec la nouvelle équipe ce qui allait se passer. Quand j'ai été pris au mois de janvier, j'ai déjà attendu longtemps parce que normalement j'aurais dû être déjà pris depuis l'été dernier, et avec la vente, etc., il y a beaucoup de choses qui ont été retardées. Et puis donc au mois de mai, on a eu une réunion avec tous les scouts en nous présentant les scouts qui venaient de l'étranger avec Monsieur Massia. Et puis à ce moment-là, bon ben on m'a dit voilà, c'est dans la continuité, voilà, toi tu seras sur la France, tous les autres scouts sont sur les extérieurs et tu feras la France avec Eric Guérit, voilà. Et puis j'ai fait le tournoi de Toulon, je suis parti à la CAN, je suis rentré mi-juillet. Et quand je suis rentré, les choses avaient complètement changé, et en fait je faisais plus partie de leurs envies concernant mon travail au sein des Girondins de Bordeaux. Donc on m'a dit qu'on ne me renouvellerait pas mon contrat. D'accord. Qui se terminait le 21 juillet. D'accord. Donc comme ça au moins c'est les choses sont claires et la situation est clarifiée. Et donc vous avez accordé un entretien à désolé pour l'anglais, ça va être un peu voilà. Get French Football News. Et où vous expliquez, alors bon, je vais pas relire tout, vous avez l'info, vous avez la brève sur notre site partenaire giron93.com pour les détails. Mais vous, ben voilà, on vous demande votre, on vous a posé quoi, parce que dans la brève c'est pas clairement expliqué, on vous a demandé votre avis sur la nouvelle direction et sur. Non, on n'a pas demandé au départ mon avis sur la nouvelle direction. On m'a surtout parlé de mon travail, le travail de scout, parce que bon, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de gens qui pensent certaines choses. Et comme moi, je suis plutôt d'un naturel ouvert et je discute facilement de mon travail parce que je vois pas pourquoi ça serait fermé et interdit au grand public. Sous prétexte qu'on pourrait se garder ça pour nous. Moi, je le partage depuis très longtemps sur Twitter avec tous les gens qui le désirent. Je leur réponds à leurs questions. Quand ils ont besoin de conseils en privé, parce qu'il y a des jeunes qui veulent accéder à cet emploi, ben, j'y réponds facilement. Donc, voilà, j'ai parlé de mon métier, etc. Puis après, on en est venu à parler de la nouvelle direction, et voilà. Et c'est là où ça, vos propos ont fait un petit peu de bruit dans le microcosme bordelais, sur, notamment sur tous les sites de supporters, les Twitter, les réseaux, les machins, tout ça. Vous avez dit ce que vous pensez, voilà, bah, cash, hein, sans faire de détour. Je ne pense pas. Alors, excusez-moi, je vous cite. Voilà, on a repris vos propos. Si surtout il y a quelque chose qui correspond pas, vous n'hésitez pas à me le dire. Voilà, vous avez dit pour le moment, je ne pense pas du tout que le mercato soit bon, même si Koscielny est l'arbre qui cache la forêt. Du côté positif, il y a le Coréen Wang. Nous le surveillions déjà l'année dernière, mais nous ne pouvons pas le faire venir car en Corée il devait faire son service militaire. Et à l'époque il ne l'avait pas encore fait. Là où vous avez été un peu plus, comment dire, un petit peu plus incisif, c'est sur Benito Mecher et Kwateng, où vous dites que ben voilà, ce ne sont absolument pas des choix que vous aviez pas ciblé ces joueurs-là. Et vous parlez notamment d'un, il faut que je retrouve le nom, de ce jeune joueur niçois, Romain Perrault, pardon. Vous aviez prévu de faire venir Romain Perrault de Nice, que vous considérez comme bien meilleur que Benito. C'est surtout Benito qui a morflé, on va pas se mentir. C'est pas une question de Benito. Moi, Benito, moi, j'ai rien contre lui. C'est un bon joueur, c'est un joueur qui a évolué en Suisse, c'est un joueur qui a 27, 28 ans aujourd'hui, il est expérimenté, les qualités intrinsèques, il les a. C'est un bon joueur, il est professionnel, il a été titulaire dans son pays, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que quand on joue à 3, c'est pas un garçon qui va jouer dans le couloir en piston. Voilà. Alors, moi, je pense plutôt que c'est un défenseur central, côté gauche. Voilà, parce que il est plutôt lent, il est pas trop rapide. Et là, ce qu'on voulait justement, c'était avoir un gars qui allait déborder, qui allait aider, qui allait centrer. Et on trouvait que depuis longtemps, le petit Perrault, c'est un garçon qui évoluait dans ce contexte-là, donc qui plaisait bien à Bordeaux. Mais après, je faisais pas une fixette sur Benito. Voilà, je trouvais qu'il n'était pas à sa place. Bonsoir, Monsieur Calip. Oui. Donc la semaine dernière on a eu Florent Tonucci en studio. On a parlé justement de Benito et de cet axe gauche un peu à la Jérémy Morel. Est-ce que ça peut pas être justement son rôle et à nous de rechercher un latéral gauche vu que le rôle de Koundé un petit peu l'année dernière c'était un peu ça et qu'il a pas été remplacé, qu'on se retrouve avec deux stoppeurs autour de Koscielny. Est-ce que ça peut pas être la voie justement cette année? Tout à fait. Ben, si vous jouez à 3 derrière, vous mettez Koscielny dans l'axe, à droite, vous mettez Kwateng et à gauche, vous mettez Benito. Après, vous mettez deux pistons. Je pense que quand Belanova a été recruté, c'est pas pour jouer def central côté droit, c'est pour jouer latéral piston. Donc vous auriez eu deux jeunes avec beaucoup de VMA, des jeunes qui vont répéter les efforts, qui ont 20 balais et qui vont avoir cette insouciance, cette folie, comme vous avez à la couche à Nîmes, comme vous avez à Nice le algérien Attal. Voilà, c'est des gens Aguilar, enfin je pourrais vous en citer. Moi j'ai connu Roussillon à Montpellier. Voilà, c'est des gens qui auraient pu apporter quelque chose de plus à Bordeaux. Tout à l'heure j'ai cru entendre que vous étiez arrivé déjà l'année dernière, c'est ça? Donc vous avez connu la fin de M6 ou vous êtes arrivé sous GACP? Non, officiellement je suis arrivé en janvier, si vous voulez. Mais au début je devais arriver, les premiers rendez-vous que j'ai eus au Hayan, c'était encore avec l'ancienne équipe, avec Ulrich Ramé, c'était au mois de juin. Et en fait je devais être embauché normalement à partir du 1er août. Et puis après, quand il y a eu la vente qui s'est accélérée, ben, pour des raisons que je ne connais pas, je n'ai pas pu être embauché par M6 parce qu'on attendait que la vente soit validée, que je sois embauché à la suite. Donc je suis resté sur le carreau alors que normalement je devais rentrer immédiatement. Je suis resté sur le carreau quelques mois, donc j'en ai profité quand même pour entamer une collaboration avec Ulrich Ramé, sans qu'elle soit officielle ou que je sois rémunéré pour cela. Ulrich Ramé, dont vous dites qu'il n'a plus son mot à dire et que Massia ne s'intéresse pas à lui. Quand je dis qu'il a plus son mot à dire, j'aime pas dire ça. Bah, peut-être que je l'ai dit, c'est un peu indélicat, parce que vous savez, moi je dis pas qu'il a pas son mot à dire. Je dis qu'il a, oui. Il est plus aussi présent qu'il était avant. Avant, il était tout seul. Avant, il avait une parole dominante, c'est ça. Bon, voilà, exactement. Et que là, bon, ben, Massia est arrivé avec son équipe et c'est comme dans une meute, c'est le mal alpha, quoi. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai une question par rapport à votre métier. L'année dernière, on a vécu donc trois différents entraîneurs, notamment donc vous avez connu la fin de Ricardo et le début de Souza. Deux tactiques totalement différentes, des besoins totalement différents. Comment on s'adapte à ça? Et surtout qu'on a un mercato à préparer, Massia qui arrive tardivement. Dans votre métier, est-ce que vous avez une base de données de joueurs qui correspondent à certains styles de jeu ou vous vous adaptez par rapport à la demande en cours? Et qui ne soit pas Football Manager. Normalement, on ne s'adapte pas. C'est là souvent où est le problème. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ça dépend de la politique du club. Pour moi, je pense que la politique la plus saine, et c'est peut-être pas moi qui ai raison, hein, c'est-à-dire que d'abord on recrute avec un cadre de jeu qui est au club, c'est-à-dire soit on a un 3-4-3, un 4-4-2, etc., et on recrute. On recrute comme ça, et à ce moment-là, quand l'entraîneur arrive et on choisit un entraîneur qui va jouer justement comme le club joue, comme ça se fait dans de nombreux. Et puis à ce moment-là, bon, ben 80% du recrutement a été fait par la cellule. Et puis après, on va laisser quelques choix par l'entraîneur, parce qu'il aura ce joueur-là qui lui fait plaisir, etc. Ça évite souvent dans les clubs, ben, que quand l'entraîneur il part au bout de 6 mois, et que l'entraîneur il a signé 4 ou 5 joueurs, pendant 3 ou 4 ans, ben on se retrouve avec ces 3 ou 4 joueurs pendant 4 ans à les payer, alors que le prochain entraîneur il n'en voudra pas. C'est typiquement ce dont Bordeaux a souffert toutes ces dernières années, quoi. C'est-à-dire avec Poyet, avec Gourvenec, avec Sagnol, c'était des entraîneurs qui voulaient avoir la parole dominante au sein du club et qui voulaient faire leurs propres joueurs. Donc en fait, ça pour vous c'est pas un système viable. C'était un petit peu ce qui n'était pas annoncé du côté de JACP. Normalement, ça devait être Massia qui devait être le directeur du foot avec, on va dire, Varela, qui, même s'il n'est pas présent dans l'organigramme, qu'on sent quand même bien actif. Et pourtant, Monsieur Varela, moi, je n'arrive toujours pas à définir sa place. Parce que qu'est-ce qu'il est? Il est agent de joueur. Il est conseiller du président. Conseiller de la Grossa, peut-être. Conseiller du président, conseiller du football, conseiller, je sais pas, je peux pas vous dire, je le sais pas. Vous le savez peut-être mieux que moi parce que vous faites des investigations. Franchement, moi je vous cache pas que j'arrive pas non plus à. Nous on a aucune idée, monsieur. Moi j'arrive pas à me dire que ouais voilà, j'ai pas de place claire. Voilà, on Dagrossa, on sait qu'est-ce qu'il est. Longue épée, on sait qu'est-ce qu'il est. Souza, on sait qu'est-ce qu'il est. Mais Varela, t'as l'impression qu'il est un peu entre toutes ces lignes-là, en fait, tu vois. Il navigue un peu à droite, peu à gauche. C'est un peu le lobby au-dessus du. Ouais, moi, voilà. J'ai toujours eu un peu de mal dans les clubs, vous savez, avec. Surtout que nous, on a un lien qui est complètement, justement, différent avec les agents. Moi, j'aime pas quand il y a cette relation scout-agent, vous voyez. Voilà, on peut discuter, on peut échanger sur les joueurs, mais cette relation, elle peut être ambiguë, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Surtout quand il y a des grosses sommes. Voilà. Donc, à la rigueur, moi, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils adaptent leur façon, mais je pense qu'éthiquement, on ne peut pas être agent et on ne peut pas être le boss dans un club. Alors j'ai une question, elle va peut-être vous paraître un peu voilà un petit peu abstraite puisque vous n'êtes plus au club, mais le club aurait décidé de vous garder. Vous pensez que vous auriez pu exercer votre métier dans des conditions convenables et surtout avec vos, comment dire, vos idées à vous, où ça serait parti à un moment donné, ça aurait été compliqué et de vous-même, vous auriez dit, bon allez, c'est bon. Et... Ouais, je pense que ça aurait été difficile. Parce que, comme je l'ai dit précédemment sur l'émission de Jean Aurel, vous savez, quand on est scout, ce qu'on a besoin, c'est d'émotions comme les supporters. Donc on a besoin de partager les choses. Si on vous fait aller voir 200 matchs ou 250 matchs par an avec des rapports, et puis que y a aucun, vous n'êtes pas contacté, que les joueurs, on les choisit sans votre avis, ben vous avez l'impression de servir à rien. Donc moi, ça m'intéresse pas un emploi comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer un débat au sein de la cellule de recrutement, c'est de partager ces choses-là avec mes autres collègues scouts, où on n'est pas toujours d'accord. Mais au moins on partage et puis après ben on se rallie à la décision finale, c'est-à-dire que si on est 4 scouts et qu'on en a 3 en face et qui pensent différemment, on se rallie à la majorité. Et ça c'est tout à fait normal. Mais après les déclarations que vous avez eues, donc je disais tout à l'heure, ça a fait beaucoup de bruit, alors dans le petit monde évidemment, hein, du supporter bordelais, on va quand même restons un petit peu modestes, mais c'est vrai que ça a agité pas mal de sites, pas mal de, et notamment quelque chose que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est les réseaux sociaux, notamment la poubelle d'internet qui est Twitter et un petit peu un degré moins de Facebook. Attends, mais un Twitter, petit peu quand même. Qu'est-ce que vous avez à dire, si tant est que vous avez quelque chose à dire? Bah, j'ai lu moi personnellement beaucoup de réactions de gens qui disaient ouais ben voilà les anciens, Monsieur Cali, puis il est un petit peu blasé, un petit peu dégoûté. Du coup, il allume un peu sur la nouvelle direction. C'était pas du tout votre intention de... Je pense que ça serait une insulte à votre intelligence si je voilà. disais le contraire, non? Non, mais parce j'ai lu beaucoup ce genre de j'ai mais lu beaucoup ce genre empêcher, de réaction. Mais vous pouvez pas empêcher les gens. Vous pouvez pas empêcher les gens de réagir. Moi, je vais finir votre émission quand j'ai fini celle avec Jean Aurel. C'est jamais la même chose. Si vous allez, moi, le principal, voilà, j'ai à peu près 90-95% des gens qui m'ont dit du bien, qui m'ont dit qu'il fallait que je continue à être aussi passionné, aussi cash pour mon métier, et être toujours disponible aussi pour les supporters. Mais après, pour le reste, vous savez, il y a des choses qui sont tellement bien plus importantes que ça. Voilà. Après, que je peux être indélicat avec le club qui m'a nourri. Il m'a nourri et moi je lui ai donné des compétences et un travail. Donc voilà, on était gagnant-gagnant. Ça aurait pu être fait différemment, ça s'est envenimé un petit peu dans la presse, mais ça s'est vite calmé, et puis bon, vous savez, c'est quelque chose, moi j'ai 53 ans, Internet, Twitter, c'est pas quelque chose que je maîtrise, quoi. Voilà, j'ai juste Twitter parce que je partageais des choses avec les supporters, mais j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, voilà, je suis nulle part après. Lucas, tu avais une question, je crois. Oui, bonsoir, Monsieur Calip. Bonsoir. J'ai lu moi aussi vos déclarations. Donc, alors moi, je ne vais pas m'exercer sur l'anglais comme l'a fait mon petit camarade, parce que là, je pense que vous ne comprenez rien. Get French Football News. Bim. Get French Football News. What else? Donc, les propos que vous avez pu tenir. Il me semble, alors je sais pas, il me semble, c'est même j'en suis sûr, je saurais pas vous redire le nom, mais vous avez parlé d'un milieu de terrain qui était algérien en plus de Romain Perrault. Oui. Qui sont tous deux âgés de 23 ans. Tu veux ans son et nom de... Oui. Hichem Boudaoui, international algérien. Est-ce que tu peux répéter? Hichem Boudaoui. Hichem Boudaoui, donc un qui milieu. Qui a fait son premier match officiellement durant la CAN contre la Tanzanie. Ouais, c'est bien ce que j'avais lu. Alors, vous le décrivez comme quelqu'un de talentueux. Alors moi, honnêtement, je vous fais confiance. Hein, j'ai absolument pas regardé le match de la Tanzanie contre l'Algérie. Vous le décrivez comme tel talentueux. T'as regardé la Tanzanie contre le Ghana. quoi qu'il en soit, je vous fais confiance sur vos propos. Néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas que l'effectif de l'an dernier souffrait d'un manque d'expérience cruel? Je crois que la moyenne d'âge était de 22-23 ans sur l'effectif total. Que ces jeunes-là, en les recrutant, on aurait pu retomber dans les mêmes soucis que la saison dernière? Pas du tout. Là où on se trompe, c'est que la jeunesse, elle est bonne. D'abord, regardez, vous êtes dans les médias, quel âge vous avez? 20 ans. Bah alors oui, là, le garçon qui vous parle, vous avez de la chance, ans. Parce que moi et Cyril, on doit être pas loin des 75 ans à nous deux. Non, on est plus près de Koscielny que... c'est même pas qu'on est plus près, c'est qu'on est plus vieux. Non, mais je veux dire, vous avez 37 ans, vous avez... Oui, on a 30, enfin moi j'ai 36 et... Vous avez pas l'âge de Michel Drucker ou de... Non. Voilà, donc ça fait qu'il y a de la place pour les jeunes. Ou alors il est très jeune. Vous êtes sûrement encadré avec des anciens. Ben, vous voyez, pour moi, normalement, le bon raisonnement d'une bonne équipe, c'est un joueur par ligne, mais, expérimenté. Mais quel... C'est-à-dire que vous avez un garçon comme Kostil qui est expérimenté, vous avez pris un garçon comme Koscielny qui est expérimenté, vous auriez pris un garçon comme Gonalon en milieu de terrain expérimenté, c'était une bonne chose. Et puis, devant, c'est souvent peut-être... c'est là où ça va entre l'expérimenté et le jeune, parce qu'il faut avoir des cannes, et puis il faut quand même avoir le sens du but, donc ça, souvent, c'est avec l'expérience. Mais voilà, puis après, on s'entoure de jeunes. Monsieur Calib, vous avez cité des joueurs expérimentés, certes, comme Benoît Costil, Jimmy Briand, Laurent Koscielny qui vient d'arriver, etc. Néanmoins, aucun joueur expérimenté n'est présent dans l'effectif actuel du milieu de terrain des Girondins. Bah, on peut considérer... Pour le moment, oui. Alors Otavio, je sais pas si on peut dire qu'il est expérimenté, mais il a pas 22 ans quoi. Bah c'est même pas qu'il a pas 22 ans, c'est il a 200 matchs pro quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un perdant. On peut avoir de l'expérience en étant jeune. Il a 200 matchs pro, d'accord. L'endroit à 19 ans, il avait déjà un paquet d'expérience. Mais il a 200 matchs pro, d'accord, mais néanmoins, il a qu'une saison pleine en Ligue 1. Donc à un moment donné, moi c'est mon avis. Vous parlez d'expérience, mais quel joueur au milieu de terrain bordelais présent dans l'effectif actuel aurait pu, comment dire, faciliter l'adaptation de j'ai encore oublié son nom, je suis désolé, du jeune Michel Boudaoui. Aujourd'hui, bien sûr, vous me dites qu'il aurait fallu quelqu'un d'expérience, mais j'espère qu'à Bordeaux, on devait pas recruter uniquement Hicham Boudaoui. Oui. D'accord. Donc on aurait dû recruter un milieu de terrain d'expérience. Et à côté de ça, on aurait pu mettre deux jeunes en milieu avec un peu moins d'expérience qui auraient été guidés puis qui auraient fait un peu plus le travail. Voilà, c'est comme que d'ailleurs, comme dans l'axe. Dans l'axe, vous ne mettez jamais deux devs centraux qui sont lents. Mm. Vous en mettez un qui est lent et un qui est plus rapide. L'année dernière, quand vous aviez Koundé et Pablo, ils jouent pas dans le même registre. C'est ça. Ah non, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc après, vous allez avoir un grand qui va avoir, qui va prendre l'aérien, qui va avoir une bonne vision, qui va couper les transversales. Et puis après, vous allez avoir un jeune, peut-être un petit peu moins grand comme Koundé, mais qui saura faire face quand vous avez un attaquant qui mesure 1m78, 1m80, qui est très vif, des petits appuis et qui va vous faire la mise. On s'adapte. C'est pour ça qu'on n'a pas 11 joueurs, on en a 25. Adrien, t'as une question. Bonsoir, monsieur Cali. Bonsoir. Alors Adrien, c'est le middle. Lui, il est ni trop jeune, ni trop vieux, il est middle class. Je suis rien. C'est moi le plus vieux. C'est moi le plus vieux. Plus expérimenté. Oui. Vous avez rejoint le club officiellement en janvier, mais est-ce que avec Monsieur Ramey, vous avez travaillé sur le mercato hivernal de la saison dernière ou pas ? Ben, travailler, oui, mais malheureusement, je pense pas qu'on ait été décisionnaire à ce niveau-là, parce que moi, j'ai pas de choix où l'équipe ancienne n'a sorti aucun joueur qui a été pris au mois de janvier. Parce que, donc là, on parle de Maja et de... C'était qui le deux ? Il y en a eu deux. Non, mais il y a eu pas mal de panic buy. C'est ce qu'on appelle des panic buy. C'est des joueurs qui ont été faits les derniers jours. Il y a eu Adli. Ah, il y a Adli, voilà. Belanova qui a été fait, mais qu'on a recruté après. C'est pas la cellule de recrutement de Bordeaux qui a fait ça l'année. Ah oui, donc on est d'accord que sur ces trois noms, aucun ne venait... n'a été scouté, pisté, enfin je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais moi aucun n'est venu de vous. De ce que je sais, c'est que le dernier joueur. Moi je suis arrivé le 21 janvier, donc le mercato était quasiment, c'était déjà quasiment terminé. Ouais, mais j'assume, hein, même moi, ce que mes collègues Marchioni, Eric Guérit, Thierry Bonalère, c'est pas des pompes à vélo, quoi. Mmh. C'est des mecs qui connaissent le football, quoi. Mais nous, vous savez, nous on propose des joueurs, mais les décisions finales, c'est pas nous. Oui. C'est un peu ce que ce qu'on reprochait. Alors, vous n'avez pas travaillé avec lui, mais Monsieur Bonicel, qui quand il est parti sous la fin de M6, c'était à l'époque de Martin, je crois, quand Martin arrive, c'est un peu ce qui se plaignait, quoi. C'est-à-dire qu'il était, qui proposait, mais qui n'était jamais écouté. Quoi. Il avait même dit, apparemment, une trentaine à l'époque, il avait proposé une trentaine de joueurs et le club avait même pas, le club avait même pas. Mais après, donné ma question, c'était aussi par rapport, alors. Paulo Sousa, pour l'instant, j'ai vu les déclarations que vous avez faites par rapport au recrutement qu'il subit un peu. On va attendre la fin du mercato pour voir. Vous avez vu quand même toutes les. On a crié souvent au scandale avec les déclarations que j'ai faites il y a une quinzaine de jours ou il y a trois semaines. Maintenant déjà, on a crié au scandale. Mais en fait, il y a le propriétaire du bistrot Régent qui a fait mieux. mais ce que je veux dire, c'est que toutes les critiques qui étaient constructives, elles sont rejointes quand même par le monde du football à 80% ou 90%. Oui. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent plus ou moins la même chose. Oui. Mais c'est vrai que pour l'instant, Paulo Sousa semble un peu abandonné avec ce mercato-là. J'avais eu ce sentiment en janvier, on m'avait dit, où le mercato de janvier, pendant des mois, Ricardo réclamait un numéro 10 à un créateur à qui on n'a jamais donné suite. Sauf Adli, mais qui n'était pas fait pour jouer directement. Est-ce que vous, ou la cellule de recrutement à l'époque, avez ciblé un profil numéro 10, ce joueur, ce créateur au milieu, et finalement, ça n'a pas été écouté? Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, parce que si vous voulez, en plus, on était en pleine vente, et puis à ce moment-là, je pense que déjà, l'ancienne équipe dont quand je suis arrivé faisait déjà partie, on avait déjà pu le choix parce que c'était déjà, je pense, téléguidé depuis le mois de janvier avec Monsieur Massia qui était encore à l'étranger. Mais dans ce cas-là, Monsieur Calib, si les noms ne viennent pas de vous, de qui ils viennent alors? C'est les clubs qui proposent. Mais alors, ça veut dire que puis on va voilà, une des dernières questions. Ça veut dire que quand vous êtes arrivé le 21 janvier, on vous avait clairement explicité, ça existe aussi, je crois, la situation où on vous a un petit peu vendu du rêve en vous disant allez-y, venez, vous inquiétez pas, vous allez avoir tel moyen, et au final, on vous a pas tellement. Nous, si vous voulez, un scout, quand on arrive dans un club, c'est parce que bien souvent, on a affaire à des hommes avec lesquels on pense qu'on va travailler et qu'on va être en complète osmose au niveau des idées. Et c'est ce que j'avais avec Ulrich Ramey. Voilà, parce que j'ai souvent entendu taper sur la tronche de Ulrich Ramey en disant « ce mec, il n'est pas compétent, il faut le débarquer, il ne sait pas, et ceci, et cela ». Comme vous dites, sur la poubelle parfois des réseaux sociaux, je l'ai entendu 200 fois. Mais je pense pas qu'un garçon aussi intelligent et aussi capé que lui, il fasse n'importe quoi. Lui, il parle pas. C'est un, je sais pas comment on appelle ça, nous dans notre métier, un taiseux. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Et c'est un garçon, il bosse, il s'occupe jamais de personne. Il bosse, et il prend des rafales, il a pris des tsunamis sur la gueule en disant que c'était un incompétent, c'est pas vrai. C'est un hyper bosseur, c'est un garçon méticuleux, qui commençait à monter ses réseaux, qui s'est entouré, comme moi il m'a fait venir, il avait aussi d'autres perspectives qu'il m'avait données, et c'est quelqu'un qui croit en son club, qui aime son club. Donc on est toujours voyé dans la volonté de bien faire, parce qu'on peut reprocher plein de choses peut-être à Ulrich Ramey, mais on peut pas lui reprocher de pas aimer son club, c'est le sien, voilà. Non mais il fait partie intégrante du club, c'est voilà. Son club. Alors il était là depuis 2 ans, parce qu'il est parti, il est arrivé après Bonicel, c'est quand même lui qui est resté les 6 mois après Gourvennec quand même pour rester au club en tant qu'entraîneur, d'accord. Je pense pas que le travail a été très mauvais, et puis c'est un garçon quand même qui s'est donné à fond dans son métier, qui était en train de construire. Et il était uniquement sur la deuxième marche, troisième marche, et il avait encore longtemps pour gravir. Parce qu'un club, ça se fait en plusieurs années, tu sais, vous savez. La dernière question, elle est pour toi, Cyril. Moi, j'avais juste une petite question par rapport à vos collègues de la cellule d'Ulrich Ramey, tout justement, Paul Marchionni, Thierry Bonnallaire et Eric Guérit. Qui reste à l'heure actuelle au club? Eric Guérit. C'est l'unique? C'est le seul survivant. D'accord. Vous avez des anciens joueurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour les plus jeunes d'entre nous. ancien joueur des années 90, qui avait coaché, qui a pris les rênes des Girondins un très court temps pour en 6 mois, je crois. Ouais, c'est ça, il fait 6 mois entre, alors si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a eu pas mal de coachs à cette époque qui ont défilé, je me demande si c'est pas entre Tony et Courbis ou Courbis et. Slavo-Muslin aussi, voilà, une période, dans ce créneau-là. C'est non, c'est pas Slavo-Muslin, puis Slavo-Muslin est remplacé par Gernot Rohr, et cette année-là, on finit en finale de la Coupe d'Europe. Donc, l'année d'après, je crois, ou l'année d'avant. D'accord, donc il est le seul à rester encore pour l'instant. C'est Highlander. Il ne peut en rester qu'un, ce sera Eric Guéry. C'est le seul pour l'instant. Voilà, c'est bien dommage parce que vous avez un garçon comme Thierry Bonnaller qui est. C'est un bonheur de travailler avec lui. Vous savez, quand vous êtes à une réunion, on se voyait une fois par mois à peu près, mais on discutait ensemble régulièrement au téléphone après les matchs, vers 10h30, 11h, parce qu'on a toujours 2 ou 3 heures de route pour aller à la prochaine journée d'après. Donc on discute sur la route, on échange. C'est vraiment des hyper professionnels, quoi. C'est dommage de se priver de gens comme ça. Après, vous me direz, des professionnels, il y en a vraiment. Mais ces garçons-là, c'était vraiment des gens. Moi, j'ai apprécié beaucoup de travailler avec eux, et c'était dommage d'exploser tout ça en plein vol. Moi, ce que j'aurais apprécié, je sais pas, c'est comme quand vous arrivez dans un pays. Ben, nous, on s'adapte au pays. Moi, quand j'arrive à l'étranger, je m'adapte au pays, et c'est pas le pays à s'adapter à moi. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que peut-être qu'on nous évalue pendant un an, qu'on regarde notre travail, qu'on nous dise vous êtes bon, vous êtes pas bon, vous avez ça qui est pas bon, maintenant on a une méthodologie qui est comme ça. Non, on nous a rien dit. On n'a pas dit si on était bon ou pas bon. On nous a dit tu dégages. Un peu rapide, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Ben. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce début d'émission avec nous. C'était vraiment très très instructif. Et puis vous avez pu compléter vos propos. C'est quand vous avez quand on peut échanger comme avec vous ou comme je l'ai eu à Jean Aurel avec Eurosport News, c'est bien parce que c'est des gens intelligents. On peut avoir des avis différents, mais vous n'êtes pas obtus. On échange, et même s'il y a des moments où on n'est pas d'accord. C'est pas pour ça que on va se faire la guerre, quoi. On peut échanger. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Laurent Calipe, et puis on va vous souhaiter bonne continuation avec un nouveau club, pourquoi pas très prochainement. Oui, oui. Où vous prenez un peu de vacances avant, quand même. Ben là, ça faisait quelques années que je n'avais pas pris de vacances, donc ça me fait drôle d'être à cette période-là un petit peu en vacances. Mais non, je vais vite retrouver un club parce que je suis comme un lion en cage, là, ça me manque trop. Ben, bon courage, bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup, merci, Laurent Calipe. Merci, Laurent. Bonne soirée. Au revoir. On va enchaîner. Alors, on va faire les choses dans l'ordre parce que tout est allé très vite. Vas-y, tu peux appuyer sur le petit bouton rouge maintenant. Voilà. Et maintenant, tu peux raccrocher. C'est parfaitement. Voilà. On aurait voulu le faire exprès, dis donc, on n'y serait pas arrivé. Alors, je vais quand même finir. Vous retrouverez le podcast, évidemment, de cette interview de Laurent Calipe, ex-recruteur du FCGB. Sinon, mais ça va marcher, Adrien, ne t'inquiète pas. Vous la retrouverez très bien. On vous mettra ça sur les réseaux, sur les sites, tout ce qu'il faut. J'ai quand même parce qu'on est allé très très vite dans l'invité est arrivé très rapidement. Autour de moi ce soir, je ne vous les ai pas présentés. Il y avait quand même Adrien, Cyril et Lucas. Bonsoir, messieurs. Cette émission est partie sur les chapeaux de roue. Folle. Et elle va continuer à 200 à l'heure. Alors, normalement, si tout est bien foutu. C'est Étienne. J'allais dire. On va passer à la Ligue 1 au match de demain. Alors, on va d'abord accueillir notre ami supporter dijonnais. Bonsoir, Étienne. Allô. Bonsoir. Allô. Allô. On t'entend. Allô. Salut, Étienne. Tu nous entends? Bonsoir à tous. Oui, je vous entends bien. Bonsoir. Merci. Ah oui, on t'entendait pas pendant un petit bout, mais ça y est, t'es revenu. Ah, ok. Merci. Alors. La communication entre Paris et Londres est repassée. Oh, t'es à Dijon, toi, Étienne, là? Ouais, je suis à Dijon. D'accord. Ouais. Déjà, on va te présenter. Alors, je sais pas comment on dit, membre, rédacteur. Oui, je suis rédacteur, moi, au Dijon Show. Voilà. J'ai un site de supporters de Dijon. Qui est un peu la référence. Alors, en rigolant un petit peu avec un petit trait d'humour avec mes collègues avant le début de l'émission, je disais heureusement que t'es pas supporter de Sochaux. Parce que le Sochaux-Chaux, ça aurait été chaud quand même. J'espère que t'aurais choisi un autre nom. Mais le Dijon Chaud, en tout cas. Le Dijon Chaud. Alors, Chaud, S-H-O-W, hein, évidemment, pour les gens qui. C'est notre boîte de Dijon, ça, le Dijon. Bah oui, non, mais voilà, faut quand même préciser aux gens, le DijonChaud.fr. Alors, on va reprendre le cours de cette émission tranquillement. On va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire vous donner les groupes qui vont se déplacer pour Bordeaux demain. La recrue de Dijon, le gardien. Alors, Oui, on va commencer par le groupe Dijonais. Les éléments convoqués, il y aura 19 joueurs qui ont été convoqués. Alors, Tavares et Jordan Marié sont indisponibles. Et Hamza Mendy, si je dis pas de bêtises. Mendil, pardon. Enfin, j'y vois rien. N'est pas qualifié. Ce sera une première pour Glody Ngonda, pardon. Et excusez-moi, j'ai des petits problèmes de yeux, je n'y vois pas très bien. Le groupe donc Dijonais, Runarsson, Gomis dans les buts pour les gardiens. Gomis, c'est la recrue justement. Donc, voilà, vous avez recruté un gardien cette semaine. Il est arrivé, je crois, mardi ou mercredi, c'est ça ? Il vient d'où ce gardien ? Il est arrivé très récemment, je crois qu'il vient de la Spal. D'accord. En Italie. Ngonda, Alphonse, Aguert, Koulibaly, Lotoa, Ekwele Manga et Shafik pour les défenseurs. Ndong, Samaritano, Soumaré, Lo Yodis, Balmont, Baldé. Et c'est là que je me rends compte que je l'entends plein de fois ce nom prononcé par les commentateurs lors d'un match. Bon, mais c'est vachement dur à dire. Ouais. Balmont, c'est un métier. Balmont, Baldé, Amalfitano et l'attaque, Keita, Jeannot, Philippe. Les points forts et les points faibles, Étienne, de ton équipe de Dijon après trois journées. Déjà, l'effectif a-t-il été un petit peu, beaucoup ou complètement remanié par rapport à l'année dernière? Alors, complètement non. Oui. Là, c'est sûr, il a été complètement chamboulé. Hein. Il y a eu des grands départs de titulaires importants. Bon, Oussama Dadi, qui était le arrière gauche titulaire. Cédric Yamberé, titulaire en défense centrale. Il est parti où, Yamberé? Tiens, ancien de chez nous, ça. Yamberé, il est parti à Al Ittifaq. Super. En Arabie Saoudite, je crois, enfin, un pays du Golfe. Oh, l'ambition du mec, ouais. Oh, l'ambition du gars, c'est vrai. Ça vous a pas. Seul, parce qu'on a eu d'autres joueurs qui sont partis avec lui, hein, avec Naïm Sliti, quand même. Ah oui, Naïm Sliti. Il y a Jedi Abed aussi. Sliti est parti où? Pareil, à Al Ittifaq. Aussi au Qatar? Ouais, ouais, ils sont trois avec Abadi aussi. Sérieux. Tiens, un petit mot rapidement. Abeid aussi a quitté. Saïd qui est parti à Toulouse aussi. Ouais, c'est ça. Et quoi, il est parti Ah oui, il y a quoi, quand même pas mal de départs. Et, et pourtant, vous avez un mercato assez poussif, assez sur le tard. Oui. Et donc, oui, mais il est plutôt intéressant encore. Il y a eu des beaux remplacements. Mendil, c'est un jeune qui a joué à Lille, qui est parti en Allemagne, il me semble, qui est latéral gauche, c'est ça? Vous pistez à quel poste en ce moment? Parce pour milieu de terrain surtout. Alors il faudrait surtout un ailier gauche, je pense, que pour l'instant on a Samaritano et Keita qui ont pas, je pense, pas encore le niveau de titulaire Ligue 1 peut-être. Soumaré qui est encore jeune. Il faudrait peut-être aussi un attaquant remplaçant de pointe. Il vous reste quand même, bon alors il sera pas là demain, mais il vous reste quand même Tavares qui a fait une saison quand même l'année dernière, alors, qui est hors de son niveau. Il avait fait une super saison il y a deux ans. Et il fait une saison un petit peu inhabituelle l'année dernière. Est-ce qu'il y a quand même espoir que cette année il se ressaisisse un petit peu déjà. Et il refasse la saison qu'il a fait il y a deux ans, ou est-ce que les supporters vous dites bon bah il a peut-être fait son temps et Pas mal de supporters de Dijon, oui, se disent que c'est peut-être terminé et que en général quand il y a des rumeurs d'un autre attaquant de pointe, comme là on a Jeander Kadis qui vient de la Benfica, je crois, il y a des rumeurs sur lui. Mm-hmm. Dès qu'on entend parler d'un attaquant, beaucoup disent c'est pour remplacer Tavares, c'est pas forcément pour être son suppléant. Et pas pour remplacer Saïd ou Saïd n'a pas été remplacé, non? Numériquement, du moins. Ni Sliti, d'ailleurs. Peut-être qu'on peut dire par Mama Baldé, qui vient du Sporting Portugal, qui pour l'instant joue un peu à son poste en ailier droit. Mais sinon, oui, Tavares, je pense qu'il peut refaire quand même une bonne saison. Bah, il a déjà marqué contre Saint-Etienne. Bon, c'était un penalty, mais quand même. Il part plutôt bien et il avait fait un bon match. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai cet été, j'ai regardé un petit peu l'équipe de France de jeunes. Le jeune Loyodis m'a sauté aux yeux. Est-ce que c'est un joueur qui a commencé à être titulaire un peu à Dijon, quoi? Alors, il était titulaire il y a deux saisons. Il y a deux saisons Sur la fin de saison 2017-2018, du coup. Là, on peut dire qu'il est titulaire. Il jouait vraiment régulièrement, il commençait des matchs. Là, la saison dernière, c'était plus compliqué, je ne vois pas souvent. D'ailleurs, on s'en plaignait pas mal, hein, de dire pourquoi la pépite n'est pas là au milieu de terrain, alors que c'est un peu là qu'on manquait de création. Pareil, là, il n'a pas trop joué au début de saison. même contre Toulouse, c'est un peu son profil qui a manqué, de un peu plus créateur, qui peut casser des lignes. C'est un peu ça qui a manqué, qui aurait pu faire du bien. Un petit mot, alors rapidement, bon, parce que vous avez eu quand même pendant... Ouais, il est resté un petit moment, Yambéré, quand même, ça fait quoi? Il est resté 4 ans 3 ans. Oui. 3 ans, 3-4 ans à Dijon. Alors bon, puisque c'est un joueur qu'on a eu en commun, il a laissé quelle image, Cédric Yambéré, à Dijon? C'est d'un joueur, voilà, d'un bon joueur. Je t'avoue que moi, Bordeaux, c'était un petit peu mitigé. On était à mi-chemin entre l'espoir qui concrétise pas vraiment, et en même temps il a quand même fait certaines fois des bonnes prestations. Donc Yambéré à Bordeaux, il devait pas jouer dans l'équipe 1, il était pour la réserve. Oui, et puis et oui, on l'a fait, et il a été propulsé un petit peu, et puis qu'il a fait ce match magique face à Marseille où il fait une main magnifique de la surface pas sifflée, et derrière, et où il marque surtout d'une magnifique coupe. C'est ce que j'allais te dire, le Yambéré de Dijon, tu t'as fait quelle impression? Est-ce que vous le regrettez déjà à Dijon, ou est-ce que tu peux me dire non, on s'en fout complet, hein? On peut dire qu'on le regrettait avant, parce que c'était quand même un titulaire qui partait, mais et que les mangas est revenu, un ancien bordelais aussi. Aussi, oui. Formé au Girondin, lui aussi. Mais on en a d'autres, hein, mais qui si a jamais joué en pro. Avant. Oui, on en a pas mal, si vous voulez. À Dijon, il y a pas mal d'anciens. Mais... Peut vous leur filer. Dioni et comment il s'appelle, Lesmilou, qui ont été formés au Girondin. Oui, c'est-à-dire que nous, les bons, on les garde pas, en fait. Et puis on les donne. On les donne. Et après, ils sont bons ailleurs. Gardez-les. Tu sais, les Valbuena, les gars comme ça, partez, les gars. Tout est relatif. On leur a refilé Yambéré, quand même. Ouais, mais il a fait le taf. Tiens, messieurs, rapidement. Et pire que Yambéré au Girondin. Il y a eu seulement 6 Dijon-Bordeaux dans l'histoire de la Ligue 1. Bordeaux ne s'est imposé qu'une seule fois en championnat. Qui peut me dire quand c'était? 4-0. Ah non, ça c'est. Ça remonte à perpète, les enfants, parce que j'ai des stats jusqu'en 2004 et. Et c'est pas marqué. Donc, à mon avis, ça doit remonter à très longtemps. Par contre, Bordeaux s'est imposé en décembre 2018. C'était en Coupe de la Ligue. Un but à zéro. Un but de Thomas à Dijon. En général, Dijon, on va pas se mentir, les enfants, ça nous réussit pas des masses. Depuis 2017, c'est 0-0, 0-0, 3-2, défaite. Il y a eu un beau but. Et le 3-2 et le but de Malcolm. Avec le but de Malcolm, mais bon, au final, qui sert pas à grand chose. La période où Dijon, en plus, fonctionnait bien. C'était Kwan qui était sur. Rapidement, les gars, sur cette équipe de Dijon, depuis le début de saison. Alors, Dijon est 16e. Et vous avez pas gagné, vous avez pas pris de points encore? Je vois 0 points. Non, aucun pour l'instant. Ah non, allez, ah oui, à domicile, à domicile, oui, voilà. Non, mais c'est à domicile. Oui, mais 0 points aussi. 18e, alors nous on est 16e, c'est un petit peu le match à 6 points, le mec au bout de 3 journées. Mais le 16e, c'est malheureux à dire, parce que vous êtes dans l'urgence, mais nous on est obligé de gagner à Dijon, parce que si on réfléchit bien, derrière on enchaîne avec Lyon et Paris. Donc si tu pars avec au bout de 5 matchs et on va à un Lyon point, le week-end prochain. Ouais, donc du coup c'est plutôt compliqué, quoi. Honnêtement, cette équipe de Bordeaux, Étienne, tu l'as déjà, est-ce que tu as suivi un petit peu le début de saison, et puis est-ce que tu en as peur, ou est-ce que tu dis non, on va se les faire? On a regardé un petit peu, puis c'est vrai que c'est une équipe, on ne sait pas encore où ça en est, mais peut-être que vers la fin de saison, Bordeaux sera amené à jouer le maintien, on ne sait pas. Oui. D'accord. Donc, c'est comme l'année dernière, presque. Oui. Quasiment, on n'était pas loin. C'est un match très important pour le DFC, parce que pour l'instant, on a pris 0 points, et contre Toulouse, autant contre Saint-Etienne, normalement l'équipe est plus forte, voilà, mais contre Toulouse, le contenu a été quand même vraiment pauvre, et contre Bordeaux, je pense qu'il faut vraiment se rattraper, quoi. Ouais, puis alors je vois votre calendrier. Ensuite, vous allez à Angers. Alors, Étienne, désolé de te décevoir, mais tu es complètement à l'envers de ce que disent nos dirigeants, parce que nous, on vise le top 5. Hein. Donc. Tu le vois peut-être pas de Dijon. Nous non plus, on le voit pas. Nous non plus, de là où on est à Bordeaux, on le voit pas trop. On va pas se mentir, Étienne. Si c'est le Bordeaux qu'on a vu une heure contre Angers et une mi-temps contre Montpellier, vous devriez pas trop avoir de problèmes. Si c'est le Bordeaux qu'on a vu un quart d'heure à Angers et la deuxième mi-temps contre Montpellier, a priori on part sur ça, donc il y a peut-être moyen que vous soyez priori, un petit peu inquiété. On replace de Préville qui serait replacé au cœur du jeu, donc parce qu'on ne cache pas que la deuxième mi-temps face à Montpellier était quand même bien, enfin si ce n'est pas la meilleure qu'on ait vue tellement désorganisée, mais bon, alors après... certes un peu foufou, voilà, mais c'était quand même beaucoup plus, il y avait quand même beaucoup plus de contenu, que on en reparlera tout à l'heure dans le débrief, mais voilà. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous dire un point fort et un point faible de Dijon pour toi? Point fort, honnêtement, là c'est un petit peu compliqué. au début de saison. Tu peux nous faire des basiques, genre ouais, c'est une équipe, le groupe vit bien, on est soudés, la solidarité, tout ça, tu sais, ça passe. Hein. Ça, ça. Pour ça, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Déjà un point faible qui vient, c'est peut-être un peu souvent des égarements défensifs. Des fois, on a l'impression qu'il y a un petit manque de concentration. Ça donne un peu cette impression où souvent c'est ça Dijon, c'est une erreur, une grosse erreur défensive dans le match, directement un but derrière, puis après c'est difficile de se remobiliser. Donc si on ouvre le score au bout d'un quart d'heure, en théorie on est bien. On est capable de ça, voire même pire. Donc nous on est capable de faire plusieurs erreurs dans une mi-temps. Ah ouais, non, mais c'est ça. À Angers on était bien, hein. Au bout d'un quart d'heure on voyait 1-0 tranquille, 3-1 mi-temps. Tu vois, on s'est dit bon, on va pas y aller trop fort d'entrée non plus, tu vois. On va pas le faire à la lyonnaise, on va y aller calme. En revanche, Étienne, je te trouve quand même assez dur parce que vous avez quand même un joueur qui moi en tout cas m'impressionne dans votre effectif, c'est Mama Baldé, quand même il va extrêmement vite. Oui. Ah oui, c'est vrai ça. Au début quand il est arrivé, moi je le connaissais pas du tout. Et c'est vrai que le premier match qu'il a fait contre Saint-Etienne était assez impressionnant. Ah ben mais même contre Dijon parce que il va vite, il percute contre Toulouse. Toulouse, pardon. Il percute, il va vite. Enfin, il peut faire quand même de sacrées différences cette saison, non? Ah oui, oui. Bah s'il est régulier, globalement, oui, ça peut faire quelque chose de très bien. Mais oui. Il y avait Adrien. Aussi le jeune Jules Keïta qui à un moment a fait quelques matchs bons et puis ces derniers temps, la fin de saison dernière, ça a été un peu plus compliqué. Est-ce que là en début de saison il revient à son meilleur niveau ou Jules Keïta souvent c'est un peu surprenant quand d'un coup il sort un match incroyable. Alors on attend beaucoup de lui et puis après en général il y a rarement une vraie confirmation derrière. C'est sûr que il avait été impressionnant au début de saison dernière, surtout contre Nice, où vraiment il avait été incroyable, il avait marqué un doublé en entrant en fin de match. Enfin, il est vraiment capable de créer des trucs incroyables. Après, il faudrait encore plus de régularité sur la saison, parce qu'il n'a jamais été titulaire très longtemps. Une dernière question, sinon on passe au pronom. Moi, Jules Keïta, pour la petite anecdote, qu'on le surnomme, qui s'est fait surnommer comment déjà, saison dernière, le Neymar. Sérieux? Ouais, je te jure. Ah, les gars, vous enflammez pas trop quand même. Non, c'est pas eux. Ah, c'est lui qui a apparemment balayé un surnom. Ah, pardon, c'est d'accord, ok, c'est lui. C'est comme. Je sais pas si tu te souviens de. Je crois que c'était les supporters, calmez-vous quand même. Comment il s'appelle? Traoré, c'est ça, Bordeaux. Abdou Traoré qui s'appelait le Zidane du Mali. Oui, mais du Mali. Calme, t'as appelé Certic le nouveau Pierrot. Oui, c'est vrai. Mais moi, mais lui, au Mali, des journalistes l'avaient surnommé le Zidane du Mali. Du Mali. Oui, du Mali. On est le Zidane du pays qu'on peut malheureusement. Bon, et s'il te plaît, je suis le hashtag. Et Adrien, quand même, c'est le seul mec quand même qui était pour Téline. Donc il peut se foutre mais de ma gueule. Et rigole, Téline, on a fait une bonne saison. Ouais, avec non, ouais. Mais Certic, il a pas été mauvais. Il a fait 10 passes décisives une année. Non, mais attendez, Téline, il a jamais marqué soit 10 buts, soit 10 passes décisives. Messieurs, on se reprend. Surtout qu'on avait Sagnol à cette époque-là. Étienne, est-ce que tu peux à peu près nous dessiner l'équipe qui sera alignée demain? Qu'on le passe à Paolo Sousa. Au vu des deux premiers matchs, à ton avis, quelle sera l'équipe demain alignée au coup d'envoi? Alors, normalement, le système préféré de Stéphane Jobard, c'est plutôt un 4-4-2. Et bon, là, avec l'absence de Tavares, il y aura sûrement seulement Jeannot en pointe. À droite, a priori, ça devrait être Mama Baldé, qui s'est plutôt bien installé sur le côté. À gauche, je sais pas trop, ça peut-être être Samaritano. Sinon bon, au milieu il y a quand même Amalfi Tano et Ndong qui sont toujours là. Oh, Ndong. Ah, Ndong c'est le mec de Lorient ça. Ah oui, celui qui avait coupé l'oreille à Menez. Ah ouais, c'est vrai, grand match amical, ouais. Ouais. Je m'en rappelle. Oui, pardon Étienne, vas-y. Oui, pardon. Des fois aussi il y a un 4-3-3 mais avec Lotoa en milieu défensif devant la défense. Ça en général ça marche pas très bien. Ou ça fonctionne un peu en défense à 5 et c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Sinon, sûrement Lotoa et QL Manga en défense centrale. Ou alors, si comme je disais, il est au milieu, ce sera sûrement Koulibaly. Aussi, il y a pour l'arrière gauche, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Si le nouveau Glody Ndonga pourrait peut-être déjà débuter, alors qu'il vient d'arriver, il vient tout de suite vraiment d'Afrique. Ah oui. Il y avait eu des problèmes avec son visa d'ailleurs, avant de venir. Ouais, alors ça, c'est un truc, soyez sûr avant. Et Nantes avait eu des problèmes l'année dernière, vous vous souvenez? Nous, on avait des problèmes avec Bouchicha. Soyez sûr qu'il est bien le visa, ce pauvre garçon, parce que s'il joue et qu'il l'a pas, ça peut être. Non, mais je rigole pas, Nantes, ils avaient eu des soucis. C'était quand, il y a deux ans ou. Ah, très rigole, mais. Ils avaient eu des pertes de points et tout. Le mec jouait, mais il avait pas de visa pour jouer. C'était un peu embêtant. Bon, a priori, je pense que Dijon, ils ont fait ce qu'il fallait. Un pronostic? Ah, pop. Ça se passe pas comme ça, Cyril, tu le sais. Il y a un jingle. Juste prono. Si je peux me permettre dernière question, Étienne. Qu'est-ce que vous pensez du côté de Dijon de l'arrivée de Stéphane Jobard, qui est un choix assez étonnant en termes d'entraîneur principal, qui était un gars qui s'appelle Jobard, mon gars, mais je rêverais d'avoir un gars comme ça dans mon équipe. Oui, qui était en plus de ça adjoint de Rudy Garcia à l'Olympique de Marseille. Ah bah, Stéphane Jobard, il est vraiment très respecté, hein. C'est une des idoles. Il y avait eu un tifo des ultras dijonnais qui avec Jobard dessus, parce qu'il a commencé sa carrière à Dijon, en fait. Il a commencé sa carrière dans même le club qui a fusionné avec un autre pour donner le DFCO. Donc, ah oui, quand même. Depuis le tout début, c'est après le départ de Comboiré, vraiment c'est presque l'entraîneur idéal. Il avait été l'adjoint de Jobard. De Garcia. Non, l'adjoint de Dalloglio. Ah oui. Ah oui. Et oui. Donc vraiment, si c'est le retour Dalloglio, de comme ça avait été avec Dalloglio il y a deux saisons, c'est nickel. Les pronos, messieurs, jingle et on y va. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Étienne, pour demain, qu'est-ce que tu... Alors moi, je dirais un 2-1 pour Dijon. C'est Lucas. 1-0 Bordeaux. Cyril. 2-1 Bordeaux. Adrien. 5-4. 1-1. Eh non, 1-1. Ouais, moi c'est pareil, je vois bien un petit nul. Ça arrange personne. mais ça donne des points. Mais je peux pas croire qu'en une semaine on va régler tous nos problèmes. Puis, de toute façon, il y a Monaco et Marseille. Je pars du principe qu'on va se foirer, au moins une demi-heure dans le match ou 40 minutes, et donc du coup, on prendra un but et puis on égalisera à la 88e par Maja, tiens, puisqu'il est chaud en ce moment. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir passé ce petit moment avec nous. On te suit donc sur ledijonshow.fr. T'es sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Voilà, tous les réseaux, le Dijon Show, on peut te retrouver. T'es tout seul ou tu fais ça avec des collègues? Ah non, on est plusieurs. Moi, je suis arrivé il y a un an au Dijon Show, mais sinon, ça a commencé depuis très longtemps. D'accord. De plusieurs sites, et voilà, c'est vraiment un site de passionnés dans le DFCO. Eh ben écoute, bonne continuation à vous, bonne chance pour demain, bon match, et puis bonne saison. Voilà, merci Étienne. Merci Étienne. Salut, ciao. Sont sympas pour l'instant. On en a eu que deux des supporters adverses depuis le début de saison, mais c'était des bons gars. Alors rapidement, je passe du coq à l'âne. Lille vient de faire signer officiellement. Oui, j'ai vu Renato Sanchez. J'allais vous faire un petit tac tac. Alors, honnêtement, les supporters vont se mettre debout. Ouais. Bah oui, Sanchez, debout. Bon, voilà. Oh. Ah si, non, elle était. Je serai en première partie de Laurent Chatry. Je sais pas, demande à Le Caplain de faire un sketch ou deux en première partie avant un de ses spectacles à l'arrière. Je vais faire que des blagues pourries. ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Ligue 1 ce soir, il n'y a que de la Ligue 2. Mais il y a carrément toute la Ligue 2 en fait. Je crois qu'il y a d'ailleurs, 3, 6, si non, il y a 9 matchs. Écoute, tu peux nous appeler. Alors messieurs, je vais quand même vous donner le groupe bordelais, parce qu'on a parlé de Dijon, mais on n'a pas parlé de Bordeaux encore. Ce qui, dans une émission qui s'appelle Girondin Analyse, reconnaissait que... Hop, attends, bouge pas. Hop. Hop, vas-y, c'est bon, tu peux raccrocher. Le groupe bordelais donc pour demain. Costil, Poussin, Rouillard pour les gardiens, ça bouge pas. Raccroche et décroche et raccroche. Quateng, Benito, Pablo, Mexer, Koscielny, Punje, Jovanovic pour les défenseurs. Otavio, Tchouameni, Benraou, Basic pour les... Désolé, on est en train de jongler avec le téléphone en même temps. Ah ouais. J'ai dit quoi, Benraou, Basic? Faut arrêter d'appeler. Pour les milieux de terrain, Depréville, Briand, Maja, Wang, Kalou et Camano. Pour l'attaque, les absents, toujours les lofters, Beis, Carrick, Sankaré, Cafu, Mendy, Mancini en instance de transfert à Laris Salonique. Valentin Vada, on va y revenir tout à l'heure rapidement, c'est officiel depuis cet après-midi. Si on a le temps, il a été transféré. Si on a le temps. Ouais, bon, on trouvera 5 minutes. Les blessés ou en reprise, Youssouf Savali et Yacine Adli. Et les choix du coach, Bellanova, Cardozo, Bakwa, Traoré et Diarra. Alors, messieurs, on commence par quoi? Bah, tu le mets à l'antenne? Bah non, mais il y a personne pour l'instant. Mais pourquoi tu fais pas basculer la tête, toi? C'est pas grave. Si, il y a Marc normalement. Il y a Marc. T'as Marc à l'antenne? Non, j'ai personne là, j'ai rien. Mais... C'est Eric qui nous a appelé aussi en même temps. J'ai rien, là actuellement je n'ai personne. Mais si, il te l'a mis à l'antenne. Ça n'a pas marché, je te dis. Ça n'a pas marché, il y a eu un bug. Dites à Marc, rappelle. Mais voilà. En tout cas, ouais, on salue Eric. On voit bien texto parce aussi. Qu'il est au fin fond de je sais pas où là, il n'entend rien. Ouais, ça va. Merci Eric. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire à Dijon? Qu'est-ce qu'on va y faire à Dijon? Tu t'en fous qu'Eric te souhaite une bonne émission? Ou pardon, j'ai pas entendu. J'ai pas le temps. Merci Eric. Tu peux lui envoyer un petit message. On t'accueillera avec du jambon de coche dès bientôt. Tu peux le remercier, on lui fait une bise à Eric. Il y avait un reportage sur lui, j'ai vu récemment, là, qui est passé il n'y a pas longtemps. Ouais. Messieurs, qu'est-ce qu'on va y faire à Dijon? On va chercher la victoire ou un nid? La mayonnaise va prendre là-bas. Allez. Est-ce qu'elle va pas nous monter au nez surtout? Oh là. Eh oui, parce que si elle nous monte au nez, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Un nul on prend ou on y va? Ah non, il faut la victoire, il faut absolument la victoire. Ah oui, c'est... Absolument, on peut pas faire autre chose. Genre si on fait nul, vous êtes pas content. Mais non, mais t'imagines 2 points sur 15 après. Oui, mais... Bon, mais parce que dis-toi que Paris et Lyon, c'est 0 points. Bon, donc, du coup, si tu fais 1 point ou 2 points en 15 points, ton objectif, il est mort. Alors, on va nous appeler... Oh là, je suis fatigué. On va continuer avec l'homme qui nous appelle depuis en direct live de la maison de Koscielny en Corrèze. Ça va, Marc? Salut. Ça, c'est qui le... te capte pas. Alors, Itinéris, ça te capte pas. Marc, je te rassure, on voit très bien que t'es en Corrèze. Enfin, on l'entend très bien, du moins. Ah non, HSTIC, c'est pas du tout. Je prends le téléphone, on me transfère, paf, ça raccroche. Mais si, mais... Ouais, non, ça, on s'est un petit peu trompé. Non, on a essayé de pas l'avoir, Marc. Je parle au niveau du... le stagiaire qui m'a décroché, sérieux. Adrien. Ouais. Il a pas suivi, Lucas. Non, Adrien, ça fait 4 ans qu'il est là. C'est pas Lucas. Je parle au niveau du réseau, ça a coupé un petit peu, c'est pour ça. Oui, la blague. 4 fois j'ai appelé, non mais sérieux, c'est quoi ça? Bon, Marc, allez, qu'est-ce qui. Je capte aussi bien qu'à l'enterrement. Bah ouais. Si tu te dis, je capte aussi bien, t'as raison. Samedi soir, pour voir le match, je pense que je vais demander à un mec qui est chez Bouygues qui. Allô. Marc, Itinéris, y a pas de réseau. Alors Marc, toi tu l'entends pas, mais ça coupe à peu près toutes les 10 secondes. Donc au moment où t'as dit ça capte nanan, il y a eu un grand blanc. C'était non, assez pas sérieux, mal. Sérieux, ça capte autant. Non, sérieux. 3 barres sur mon téléphone. Bah ouais, mais visiblement il en faut une quatrième. Alors demain. Et là, ça marche pas. Si non, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait demain, Marquinhos? Cyril, il disait que un match nul, il serait pas content et il veut absolument une victoire. Alors moi, j'ai dit que sur le mois d'août, il fallait 6 points. Mais tu seras pas. Donc déjà, il serait pas. Parce que je pense pas qu'on gagne à Lyon, faut pas déconner. Tu vas voir. Et va savoir. Tu vas voir. Tout est possible. Non, mais attends, non, mais après, tout est possible, tout est réalisable. Là, c'est le jeu de la vie. Voilà, ok, ça on peut le on faire. On le fout sur le terrain et puis advienne que pour. Il n'y a pas de soucis. Même un nul, on peut le faire et tout, on sait jamais. Ils sont pas dans un grand jour, nous on est dans un grand jour, machin, bidule. Ok. On va juste regarder le début de saison et vu le leur et vu le nôtre, on gagne pas là-bas. Voilà. C'est juste essayer d'être logique. Après, ça peut changer, on sait jamais. C'est jamais. On peut récolter Cristiano Ronaldo et Messi demain. Et Neymar est foutre un grand fuck à Barça et Real. Bon, on va rester sérieux, et juste dans la logique des choses. Mais pour le football, il serait quand même bon que Lyon gagne contre Bordeaux, juste par respect du travail effectué ces dernières années, et surtout sur ce mercato. Si on regarde juste le match à... C'est Dijon qu'on joue, hein, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et que les clubs tout pourris comme ça de Ligue 1, je serais capable de les mélanger. Hein, non. C'est très bien parce qu'on vient de parler à Étienne, c'était convivial. Non, mais il peut pas, il capte pas. Il capte pas, je plaisante. Non, mais il faut gagner. Enfin, c'est bon, 2 matchs, pas de victoire, t'enchaînes 2 déplacements. Sur tes 2 déplacements, t'en gagnes pas un. Tu vas passer une trêve internationale très compliquée. On sait pas comment le mercato va se finir. Je vous fais un dessin. Vous perdez à Dijon. C'est la crise. Vous perdez Pablo avant Lyon. Et vous perdez contre Lyon. Oui, alors la rumeur Pablo, on y reviendra. Non, mais c'est pas ça, Marc. Bon. C'est juste si tu perds à Dijon, c'est la crise. Parce que derrière, tu enchaînes Lyon et t'enchaînes Paris. Attendez. On peut les enchaîner dans le catastrophisme. Non, mais attendez. Moi, il y a un truc que je voudrais quand même remercier un peu. Attends. Moi, j'ai une question à vous poser, tout simple. Si au soir de la 5e journée, on est dernier avec un point. Non. C'est la crise ou pas? Non, parce qu'on était tous d'accord pour dire l'année dernière et en début de saison, ça va pas se faire en 2 secondes, il va falloir du temps, l'équipe va pas se mettre en place comme ça. Et déjà, au bout de 5 journées, vous commencez à dire, c'est la crise. Entre du temps et être dernier de Ligue 1 avec 1 point sur 15 en visant le top 5, va falloir m'expliquer. Tu me dis, on est dernier en décembre, ouais, là, je vais te dire, là, ça craint vraiment. Mais à la 5e journée, Lyon était 18e au mois de décembre il y a 2 ans. Ils ne sont pas descendus pour autant, ils ont fait 6e. Sans attendre le décembre, et sans parler de crise. Si on prend que 1 ou 2 points, parce qu'on peut faire un nul à Dijon en soi. Et même 4 points, j'ai envie de dire que 4 points, c'est pas énorme hein, sur le début de championnat. Sur quoi? Sur 15. Bah quand tu te déplaces 3 fois sur 4, est-ce que tu peux faire mieux? Sur 12 possibles. Ouais mais d'accord, mais sur 12 possibles, je pense que ce qui va être déterminant, c'est comment est perçu notre recrutement. Si notre recrutement, et je suis désolé de le dire, c'est d'avoir perdu et Pablo et Koundé, d'avoir recruté Koscielny et de te dire que c'est Mecher et comment il s'appelle l'arrière gauche, Benito et Kouaten qui vont faire le job, je serais désolé. Aussi bon et Koscielny, il fera pas briller 11 joueurs. Donc je considérais qu'on a régressé. Ça va être un ensemble. Si on me recrute encore un attaquant de pointe et pas des joueurs au milieu, alors qu'on a on a 3 attaquants de pointe dans l'effectif, on fera vraiment une introspective de ce qui s'est passé au 2 septembre. Quand ce sera terminé. En soi, sur ce match à Dijon, la victoire commence à devenir prioritaire, non pas parce qu'il faut pas regarder le début de championnat sur les 3 jours, mais parce qu'il faut les regarder ce qui est fait par les Américains sur sa globalité. On a dit, on teste Bordeaux, on regarde pas trop les résultats, on fait plein de tests, voir qu'est-ce qu'on les manque. On identifie, on fait quasiment pas de victoire. On fait des victoires, je crois, sur les dernières rencontres. On a une 4e place. Gagnes à Caen, tu gagnes en match amical. Tu gagnes à Caen et tu gagnes à Marseille, parce que Marseille gagne jamais. Et tu gagnes Marseille. Et tu fais un nul contre Paris. Mais que tout le monde a une Paris a quasiment pas pris de points sur la fin de saison. Donc je veux dire, il y a ça à voir. Il y aura à voir, on dit, ok, on a vu tous les points négatifs, mais pourtant, sur le mercato, on a l'impression de s'être non pas renforcé, mais d'avoir régressé. C'est pour ça que c'est sur l'ensemble qu'on verra. Donc ça, j'ai plutôt envie de dire qu'on en parlera à la trêve internationale et qu'on peut se concentrer sur Dijon. Le problème de Dijon, c'est de voir les joueurs qui te disent, à un moment, il va falloir que ça paye. Le problème, c'est que si à un moment, ça ne paye jamais, il y a un problème, c'est le discours qui risque de ne pas passer, et c'est donc celui-là il a pour 3 ans, donc ça va devenir compliqué. Si derrière, enfin, il faut pas croire l'incidence que ça peut avoir de ce que les supporters et les médias peuvent dire de Bordeaux. Aujourd'hui, on se fait cracher dessus par à peu près tout le monde, sans dire qu'ils ont raison, sans dire qu'ils ont tort. Hein. Je m'enlève de ce débat-là, mais aujourd'hui, on s'est craché dessus par à peu près tout le monde. Tout le monde critique Bordeaux, les joueurs sont un petit peu sous pression, et il va falloir qu'on se mette à gagner. Montpellier, il y a que la deuxième mi-temps qui est bonne, et elle est bonne parce que il faut qu'on mette de président 10. Enfin, il y a un ensemble de choses qu'il va falloir vite solutionner, et vite, et le mot, le fait de dire vite, veut dire que on n'est pas loin d'une crise, parce que quoi qu'on en dise, les supporters ont vu M6 partir en disant putain, enfin ça va changer, voit que ça change pas. Oui, mais ça fait 10 mois qu'ils sont partis. Moi, il y a un truc. Juste fini. Voit qu'en plus, laisser même pire qu'M6 certains supporters à l'anglaise, je dis pas qu'ils ont raison ou tort, je dis juste que ça s'enclenche dans la tête de certains, et qu'en plus, de l'autre côté, tu vois, Nice se faire racheter avec un discours qu'on va mettre 3 millions par Mercato, nous, on en met 80 sur 3 ans, et de dire, mais les 80, ils attendent. Et se dire, même pas que dans le mercato, c'est 80 millions sur 3 ans pour l'ensemble du club. Hein, donc, si tu les attends pas sur le mercato, parce que sur le mercato, tu auras jamais 80 millions sur 3 ans. Mais c'est surtout. Et de te dire, et de voir de loin en te disant, mais le discours qu'on nous tient, champion. Oui, mais c'est toujours pareil. On va pas refaire le débat de machin, mais 80 millions sur 3 ans. Ça veut dire sur 3 ans. Ça veut pas dire dès la première année. Ça veut dire sur 3 ans. Donc peut-être que cette année, ils vont éponger les dettes qu'ils ont parce qu'ils ont des dettes. Et je sais plus qui l'a expliqué. Je l'ai lu cet après-midi. C'était très bien expliqué. Je crois que c'est McCarthy ou je sais pas qui a expliqué ça hier. Il disait voilà, pourquoi l'argent est pas réinjecté? Eh ben, parce qu'ils ont des dettes et qu'il faut qu'ils remboursent les dettes. Donc ils se servent de l'argent des transferts pour, dans un premier temps, rembourser leurs dettes. Et ça se comprend très bien. Et donc, ouais, donc du coup, ils font du M6, quoi. Comment tu peux acheter un club? Comment tu peux faire un investissement? Mais c'est très américain, c'est très, on va dire, financé. Ben oui, c'est juste ça. Vous croyez que tout va se régler en une semaine, non? Non, mais en 10 mois, quand même, mettre un petit peu d'argent en 10 mois. Seb, la question n'est pas de se dire, est-ce que le plan, est-ce que stratégiquement, c'est bien quoi? Je crois pas, c'est ça. Nous, on regarde un sportif, on est amoureux des joueurs-là, et nous, on est là pour juger un résultat et pas juger une action économique. Et si toi tu dois juger une action économique, je considère que c'est dommage parce que c'est pas le cas du sport. Mais tu es obligé de lier le sportif à l'économique dans ce cas-là. Vous faites fi des deux. Vous vous dites on veut être bon sur le terrain, puis on s'en fout si économiquement on est nul. Non, c'est lié les deux. Non. Allô? je veux pas sortir l'aspect économique. Mais quand je regarde l'aspect économique, je me dis, si on est à la 14e place cette année, comme par rapport à la 7e, ce sera pas la même entrée d'argent. L'année dernière, si je regarde le bilan comptable qui a été publié par la DNCG durant un bon, il y a quand même, au fin juin, c'est-à-dire avec la vente de l'Oragueur acté, mais celle de Koundé non acté, 40 millions de déficits. 40 millions de déficits. C'était moins, non, c'était pas n'importe quoi. C'était 30 ou... Non, non, Seb, je t'assure, me dis pas, t'as pas regardé les comptes. Ok. Tu l'as. Bah, c'est pas compliqué. Ligne d'écriture Bordeaux, 63 millions de rentrées, dépenses 101 millions. Alors, je sais plus si c'est 101, mais ça dépasse le 100. Donc, dans tous les cas, 63, 100 et quelques, ça fait quasiment 40. À 3 millions près, ça fait quasiment 40. Mais... C'est-à-dire que avec la vente de Malcolm, ça a été de 40 millions quand même, un déficit de 40 millions. On a dépensé 40 millions de plus que ce que nos entrées ont permis d'avoir sur l'année. Donc, moi, je ne peux pas faire d'analyse là-dessus. Je dis juste que s'ils sont venus. Mais donc, acheter... ne vous étonnez pas qu'on n'ait pas une thune pour recruter. Mais non, mais je pas. Ah non, mais j'ai pas, je m'étonne pas qu'on n'ait pas une thune. Mais à ce moment-là, quand j'ai pas une thune, je n'accueille pas un club de foot. Parce que si je n'ai pas de thune, je sais que je ne peux et pas. Et puis, je ne mens pas aux supporters. Accessoirement. On revient sur, revenons sur Dijon quand même, parce qu'on a quand même largement. On est à Dijon, on est dans l'obligation. Pour venir à Dijon, il faut pas se le cacher. Après les deux premiers matchs ratés, donc ta première demi, enfin, absolument la gagner, surtout quand tu as trois déplacements en quatre matchs. Mais Dijon, il va falloir rattraper les points que t'as pas gagné à contre Montpellier. Et contre Angers. Parce que quand tu mènes 1-0 et que tu perds 3-1, tu perds des points, au moins 1. Et Montpellier. Donc, de ce début de saison, t'as perdu 3 points. Il faut aller les chercher à Angers. Mais au-delà de ça, ok, on fait un début de saison qui est presque chaotique en perdant 3 contre Angers d'une manière qui est quand même assez désastreuse. Et tu fais un partout contre Montpellier après une première mi-temps qui est terrible, voire apathique. Moi, je suis désolé, c'est pas parce qu'on va gagner à Dijon que tous les problèmes vont être résolus. Non, mais t'évites la crise. T'es déjà un peu plus. T'es plus à l'aise. Déjà tu gagnes. Tu gagnes, mais enfin t'évites la crise, c'est vite dit quand même, parce que bon. Non, mais t'évites la crise. Imagine, tu perds à Dijon, tu perds à Lyon, tu perds contre Paris. T'es facilement dernier. Parce que tu crois que tu vas gagner. Parce que toi, tu comptes prendre des points à Lyon et Paris, toi. Non, je te parle pas de ça, mais je te dis que si tu gagnes à Dijon, tu seras pas dernier le soir de Paris. Si tu gagnes contre Dijon et que tu perds contre Lyon. Entre temps, il y aura Metz. Enfin, il y a pas que Lyon et Paris. Il y a Metz. C'est entre. Parce que je croyais que t'enchaînais Lyon et Paris. Non. Tout dépend. Tout dépend comment. À Dijon. Aussi. Si Dijon, oui. T'as trois fois les montants, que quoi, si il fait un match de ouf et que vous marquez sur un pénalty, c'est ça. Pas valable. C'est ça. Tu perds à Dijon en faisant le même match qu'en deuxième mi-temps face à Montpellier, ça m'inquiètera moins, quoi. Il y a Dijon, Lyon, Metz, Brest, Amiens et après à Paris. Écoutez-vous. Seb, là où je suis pas vraiment d'accord avec toi, c'est sur ce point-là. Si jamais on gagne sans y mettre la manière, on dira, ok, c'est un coup d'un match et ça repoussera la crise. Si jamais tu perds sans avoir rien montré, tu vas accuser le mercato. Si tu perds avec la manière, c'est-à-dire en essayant au moins de mettre en place ce que Paulo Sousa demande, non seulement tu vas te poser des questions, c'est peut-être la solution la pire, c'est que non seulement tu vas te poser des questions sur le mercato, mais en plus tu vas te poser des questions sur Paulo Sousa. Pas forcément, parce que tu peux te dire que justement... Il a pas cette les armes. Non, mais cette équipe-là, tu peux te dire qu'elle je comprends pas vos réflexions. On parle de mecs, ça fait à peine un mois qu'ils s'entraînent ensemble et vous voulez déjà accueillir des automatismes. Déjà, Seb, enfin, excuse-moi sur ça, c'est pas tolérable. C'est pas acceptable ce que tu dis, parce que les recrues, on les voulait le jour de la reprise. Il fallait que Sousa avait demandé 90% de son effectif le jour du départ en Autriche. S'ils ne l'ont pas fait, c'est de la faute des dirigeants. Donc du coup, ce n'est pas une excuse aujourd'hui de dire « Ouais, mais on n'a pas le temps parce que les joueurs, ils n'étaient pas là. » Ce n'est pas une excuse. Mais ils n'étaient pas là, Cyril. Comment tu voulais faire ? Mais ce n'est pas une excuse. Bien sûr que si. C'est un choix. C'est une stratégie, mais ce n'est pas une excuse. Ça peut être une excuse pour Paulo Sousa. Mais à un moment donné, Sousa, il fait partie de la stratégie. Ils auraient été là depuis le départ et ça ne marcherait pas. Je te dirais « Ouais, attends, quand même, ils ont eu 2 mois et demi. » Non, mais excuse-moi. Pour moi, ça ne marche pas. Je suis totalement insensible à ça. Moi, ça va faire autrement. J'ai des gros doutes aujourd'hui avec l'effectif actuel pour jouer tel que Paulo Sousa le demande dans ce 3-4-3. Mais Paulo Sousa a dit qu'il allait s'adapter s'il n'avait pas de recrue. Oui. D'ailleurs, ça sera le premier entraîneur à faire un match sans milieu. Il a dit qu'il s'adapterait. Il fera 5 défenseurs, 5 attaquants. Il a dit qu'il s'adapterait, mais en fait, que ses manques pour lui étaient au milieu. Et pour moi, quand j'analyse les matchs, ils sont au milieu, mais ils sont aussi sur les ailes. Oui. Mal à croire qu'on recrutera 4 joueurs. Ouais, mais si ton milieu est plus performant, peut-être que tu résous ton problème. Alors sur moi, les ailes aussi. Je vais te dire qu'il y a une vérité, c'est que si tu ne vends aucun joueur, hors Mancini, Vada, parce que ça c'est pas forcément des. Ouais, en gros, c'est malheureux Camano, à dire, mais c'est des joueurs qui rapportent pas d'argent. En gros, c'est mais Camano si et Sabali quoi. Sabali, Camano ou Pablo, tu ne vas recruter personne. Si Marquisio, non je plaisante, mais que des joueurs. Ou si tu recrutes, ça sera un prêt. Ouais, après le dernier jour voilà bon, mais tu pas, hein, ouais mais ce que je veux dire c'est que ça sera un panic buy, ça va être encore un Cornelius ou un truc comme ça et ça va être un joueur qu'on va recruter au mois qu'on va regretter au mois de mois de janvier février et, on dira, demain, ah, et demain sur les ailes alors il a pas été bon non plus mais pour l'instant on a nos joueurs on a des Benrao qui fait une bonne saison qui a fait une bonne préparation ouais, on a Kalou qui à Montpellier, quasiment une recrue parce qu'il a pas joué les 6 derniers mois. Donc Calou, c'est un bon et on a toujours dans l'effectif, on a toujours Camano qui est pris dans le groupe. Hein. Oui, non, mais d'accord. Donc, mais sur les ailes, c'est non, vraiment le problème milieu, de Camano, c'est qu'il arrière. Est déjà, Adrien, c'est qu'il est déjà pris là. Ça fait 8 mois qu'il est déjà plus là, Camano, depuis Monaco l'année dernière. Non, mais oui. Ce qu'il y a, c'est que sur et les encore, ailes, je suis gentil. Pour moi, ça fait 3 ans qu'il est plus là. On est beaucoup trop diminué en termes de profondeur et à la fois de qualité. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous prendre la première mi-temps contre Montpellier, où je crois que c'est Depréville qui joue sur l'aile droite, Calou qui joue sur l'aile gauche. Tu as sur le banc, tu as Benraou, tu as quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est l'inverse. Depréville à gauche et Calou à droite. Pardon, oui, excuse-moi. Là, ça va être Depréville en 8. Benraou, tu as aussi Benraou qui est sur le banc. Il me semble que je sais plus qui c'est que tu as eu sur le banc aussi comme ailier. Enfin bref. Maja, c'est tout. Ouais, t'as Maja, que Maja. Et en fait, quand tu fais rentrer Maja et Benraou sur la deuxième mi-temps contre Montpellier, bah, tu te dis bah, qu'est-ce que tu fais maintenant pour gagner le match. Tu peux plus rien faire parce que tu peux faire rentrer Balanova, tu peux faire gagner rentrer Pungé, tu peux faire rentrer Tchouaméni ou tu peux faire rentrer Briand. Moi, j'ai confiance en aucun des quatre pour gagner le match contre Montpellier. Je suis désolé, mais Briand il t'apporte quand même un petit peu de garantie. Bah, oui, mais Briand, contrairement aux trois autres. Ça rentrait contre Montpellier. Non, mais il t'apporte des garanties. Briand, c'est un vaillant. Tu peux me dire ce que tu veux devant, il va te créer des brèches. Briand, tu sais que c'est 10-12 but, il va te les mettre. Peu importe moi, comment, il te le mettra. Moi, un ailier, j'attends pas qu'il me crée des brèches. J'attends non, qu'il pas parte, ailier, qu'il court. Et puis, non, mais ben voilà, des ailiers, problème. Rêvez pas. Des ailiers, dans l'équipe, on en a trois. Voilà, oui. Ben Raoult, Calou et Camano. C'est pour ça que j'ai du mal, énormément de mal, avec ce schéma. Quand je vous dis... Mais ils sont pas ailiers, Marc. Ouais. C'est ça que tu ne comprends pas, c'est que ce sont deux attaquants c'est secondaires. Qui sont c'est-à-dire que tu te retrouves avec Depréville et Wang, ce sont des attaquants qui sont censés tourner autour de ta pointe. Oui, mais tu attends ces attaquants quand même de la disponibilité, capable de casser des lignes, capable mais, de. Mais ils jouent dans l'axe. Ils rentrent sur leur pied fort. Oui, mais. T'as lapin qui va déborder. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'à un moment, t'as besoin aussi que des différences soient faites. Ah oui. Mais aujourd'hui. Mais ça, c'est tes pistons qui sont censés le faire. Capable de casser des lignes sur des passes. Pas que. Mais il faudrait que ça passe de la défense. Et ça, en défense, c'est ni Pablo ni Mécher qui vont savoir les faire. Donc déjà, j'ai un problème dans ce niveau-là. Il faut que les lignes soient cassées par l'apport de tes latéraux qui, pour moi, aujourd'hui, dans le milieu, en termes de densité... Alors, je ne vais pas parler de densité physique parce qu'on pourrait voir que c'est juste la physique de la personne. Mais ils doivent, les milieux, aujourd'hui, surtout en Ligue 1, et c'est pour ça que j'ai normalement laissé ce thème, tes latéraux doivent permettre à ton physique d'imposer un défi technique et physique à l'adversaire. On l'a vu contre Angers, nos deux milieux se sont fait exploser, de toute façon ils n'ont même pas couru, hein, parce qu'il y a un but, le mec de 19 ans, il se fait avoir 50 mètres par un mec de 30. Moi je passe ce passage-là, mais tu as besoin que ces deux soient des renforts qualitatifs dans l'impact, dans la densité, dans l'occupation de l'espace, et limite il faudrait des milieux plutôt que des latéraux. Aujourd'hui, ça ne peut pas le faire. Deuxième chose, il faut que tes ailiers soient capables de pouvoir, en un contre un, d'éliminer un adversaire, de pouvoir créer une situation dureuse. Aujourd'hui, je pense que sur ces trois que j'ai cités, la défense n'est pas faible, les latéraux, ça va faire au milieu, et peut-être que certains de nos joueurs en attaque sont capables de le faire, mais ne sont pas capables de le faire à tous les matchs et tout le temps et sur la continuité. Camano n'est pas régulier, Calou, on va voir, c'est une première saison un peu transparente, là il est plutôt en forme, et de Préville pendant deux ans, il a fallu que Paulo Sarri pour être... Et Benraou, on va pas se flammer, hein, ça arrive de faire un Ounas ou autre joueur qui, une fois qu'il signe, fait plus rien. Donc on va attendre un petit peu. Ouais, ça aussi, quand j'entends les gens qui disent « Ah, Benraou, machin, on va se calmer comme ça. » Alors qu'il a fait trois bons matchs, quoi. Alors, pourquoi il signe maintenant? Enfin, il peut signer plus tard, hein, on n'est pas pressé. Il a prolongé d'un an, de toute façon, ça change rien. C'est de la mais c'est toujours le signal. C'est trois matchs, t'as déjà une récompense. D'où t'as une récompense au bout de trois matchs? Toi, tu travailles trois bons mois au boulot, t'as une récompense. Et t'as intérêt à travailler trois ans, on va en avoir une récompense. D'où, oui, dans 103 matchs. Change de boulot. Enfin, bref. Non, ouais, mais Marc, il reste plus qu'un quart d'heure d'émission. Marc, t'es triste. Non, on a quelqu'un d'autre derrière toi qui va appeler un prono rapide pour demain. Est-ce qu'il est prêt à parler des féminines? Eh ben écoute, un prono rapide pour demain. J'espère qu'on va pas perdre et qu'on va surtout faire un bon match. Allez, je te vois. Je sais pas, franchement. Je vais un peu dire 1-0 pour Bordeaux parce que je sais pas faire autre chose qu'une victoire de Bordeaux. Mais j'ai peur que ce soit pas la victoire des Girondins, malheureusement. Alors comme là on a dit sur Twitter pour Montpellier, ça va bien. J'aurais bien la victoire de Bordeaux sur le score de 1 partout. Ouais. Voilà. Bah écoute, un point, hein. Qu'est-ce que tu as? Défaut d'une victoire, j'arrive vraiment contenté. Merci mon petit bonhomme, il y a le téléphone qui sonne, je suis désolé, on va devoir passer à la suite. Merci Marc, bisous, bon week-end, et ciao. Puis, une baffe au stagiaire qui s'est barré, décroché. Pas de soucis, je lui en mets deux, ça marche. Allez, bisous, ciao. On va terminer. Hop là, il reste encore un petit peu de temps, ça va, on a un quart d'heure. Donc, alors, oui, avance là quand même parce que c'est. Non, ça y est, les pronoms, on les a fait tout à l'heure. Avant cela, parce que c'est quand même l'info du jour, donc l'officialisation rapidement du transfert de Vada à Almeria. Alors la somme, apparemment, ça serait soit 750 000 euros. Avec un pourcentage à la revente de 50%. Allez savoir. D'ici 2 ou 3 ans. Il peut faire une arambarie en Espagne. Il a que 23 ans. Avec les pourcentages, on s'en fout. Mais Cyril, ça coûte. Le pauvre qui est mort. Qui aurait mis un copec? Mais à l'arrivée, ça change rien. Parce que les pourcentages, tu les reverras pas. Tu ne seras pas réinjecté dans le transfert. Et là, aujourd'hui, la somme que rapporte Vada, ça ne peut pas t'apporter une recrue. Ça dépend de ce que. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que Vada, qui sortait d'une bonne demi-saison avec Saint-Etienne, a eu 0%, a eu à aucun moment sa chance, et ça, alors qu'au milieu t'as plus personne. C'est surtout un choix du coach. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on écoute Souza sur des choix de coach comme ça et qu'on l'écoute pas sur les recrues. Vada qui a quand même, alors je vous invite à aller voir sur son, c'est quoi, Instagram ou Twitter? Instagram, et puis c'est relié sur les sites. Le petit message qu'il a mis aux supporters, voilà, il fait tout un petit truc, il remercie tout le monde, tous les anciens, les joueurs, tous ceux qu'il a eu, les supporters, les ultras, tout le monde. Voilà, on va lui souhaiter bonne chance quand même pour la suite de sa carrière, et puis qui n'a que 23 ans, il a encore 10 ans, 12 ans de carrière, donc c'est bien. Propice pour lui. Raccroche. On va continuer donc, on va terminer l'émission en parlant des féminines qui commencent leur championnat demain. Raccroche. Qui recommencent leur championnat demain après-midi, 14h30 au stade Saint-Germain, première journée de D1. Contre Fleury. Alors, on va continuer déjà. Lucas. Bonjour. Allô, bonsoir. Qui avons-nous au téléphone déjà? Lucas, justement. Ah, bah, Lucas. Salut, Lucas. Salut. Comment ça va? Bonsoir à tous. Bien et vous? Bien, ma foi, tranquille. On essaye. Veille de match, on est pas trop mal. Il fait beau, il fait chaud. T'es sur Bordeaux, Lucas? T'es où là? Non, moi je suis sur Périgueux. Oh la vache! Ah ouais, t'as pas de chance. Il fait vous remarquez qu'on a rarement des gars de Bordeaux au téléphone. À part bon Marc, on a Johan, il est à Paris. On a Tar, il est à Marseille. On a Lucas, il est à Périgueux. Alors les autres, on leur demande pas tous, mais c'est vrai que la plupart du temps, un c'est Marc assez... qui est de Brive. Ouais. Un Marc de Corrèze. Quand il est pas de Créon, tu me diras, c'est pas. Voilà. Bon Lucas, t'as appelé pourquoi? Avant que là, on était sur les filles. Ça t'intéresse ou tu voulais nous glisser un mot rapidement sur quoi donc? Non, moi je voulais parler surtout du cas Mounès Dabour. De qui? La rumeur, plus. Alors vas-y, expliquez-moi les gars, parce que aussi aujourd'hui j'ai. C'est un attaquant israélien qui a tout cassé. Oh, si, qui a marqué 37 buts, ouais, machin. À Salzbourg. Allez, vas-y, Lucas, dis-nous. Oh, ça serait Moi, je pense que. C'est vraiment une rumeur et pas, ce sera pas un transfert quand on voit qu'il y a déjà l'Inter qui est dessus. Alors, Lucas, on parle plus d'un prêt déjà. Oui, mais c'est qui l'Inter, les gars? Non, mais c'est pas une question de ça. C'est que déjà, le marché italien se termine dimanche. Donc si l'Inter finalise pas, derrière, on a toutes nos chances. Donc on est d'accord que dimanche soir minuit, c'est fini. On saura l'Italie, si Camano part, si Sabali part, si Pablo part, okay. Si les gens partent. D'accord. Voilà. Toi, t'aimerais bien avoir ce garçon en renfort devant? Bah, je pense, bien sûr, ce serait un bon renfort. Toi, tu vois les besoins devant? Quand on compare à Briand, je pense que quand même il est meilleur. Ouais, mais enfin, voilà. On l'a pas vu. Enfin, on va pas se mentir, Lucas. Est-ce que tu l'as vu? Il marquera pas un but déjà, tu vois, derrière. Moi, je t'avoue que je ne connais pas, je l'ai jamais. Ou alors, si je l'ai vu, j'ai pas fait gaffe si, que en c'était. Europa League, si, en Europa League, j'ai dû le voir, mais je veux dire. J'ai dû le voir, mais je veux dire, j'ai pas porté mon attention vraiment sur ce garçon, quoi. Ce qui est bien, c'est quand tu étudies sa carrière, il a quand même été coaché par Souza. Mais. Quand il était en Israël, je crois. Ah oui, Maccabi. Mais par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est que tu peux mettre tous les attaquants devant que tu veux. T'as pas de milieu. Avec Chouamini derrière qui fait la passe, mais toi que dalle. On est d'accord. Donc, moi je, ouais, tu le sens pas comme ça. Enfin, est-ce que c'est pas plus urgent de renforcer d'abord le milieu de terrain plutôt que l'attaque, oui, ou t'es quand même. Avec Benacer, je pense que c'est plus prioritaire, je pense. Ouais, mais alors tu vois, c'est pareil. Avec Benacer, ça traîne. Et franchement, et là, aujourd'hui, il y a une rumeur sur un Ilge de je sais pas quoi là. Le suédois. Ça a été reparti. Aujourd'hui, ouais. On parle d'un transfert à 1 million d'euros. Les Italiens. Et 1 million d'euros, c'est typiquement le genre de somme que les Américains veulent mettre. Les Italiens démordent pas et. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on va recruter le remplaçant de Lerager. Oui, mais les Raguer, tu l'as vendu 9 millions. Oui. Mais ça t'a permis de faire Adli, Chouameni, Adli, Maja, Belanova et un autre. S'il est bon, moi je m'en fous qu'il soit remplaçant du mec d'avant. Tant que les mecs sont bons, moi j'en ai rien à faire. D'où ils viennent, qui il est. Et puis surtout, tant qu'il est créatif, parce que c'est le plus de ça dont t'as besoin Bordeaux aujourd'hui, autant le prendre. Après, on sait pas ce que ça peut donner. Moi, la seule chose qui me pose problème par rapport, alors pas à l'israélien, mais au suédois, c'est que j'ai l'impression que c'est encore un pari. Et que c'est un pari. Attends, les enfants, pour l'instant, il n'y en a aucun des deux qui est là. On a pris tellement de clim cette année. Tant que le mec, il n'est pas en train de poser un maillot. Ah, bah tiens, c'est vrai, c'est pas bonne. D'accord, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Puisque Aïd Benacer, c'est le truc le plus chaud qui traîne depuis quand même un moment. Question, moi, franchement, les gars. J'ai vu certains de ces matchs, une partie de la saison l'année dernière avec Monaco. Il m'a pas bouleversé. Non, il a fait 6 mois à Monaco, Saint-Etienne. Il faut le comprendre aussi. Alors c'était compliqué dans le contexte de l'époque. Ils l'ont recruté, mais ils l'ont jamais voulu. Il m'a pas non plus bouleversé, quoi. Mais quand il avait fait sa saison à Caen et tout ça, il avait été quand même bien au niveau. Vous êtes convaincu que ça serait vraiment un. Ouais, pour un club qui joue le maintien, il est très bien. Non, mais ça peut. Voilà. Non, mais Cyril, de toute façon, il est chafouin. Non, si, il est très bon. Quand il est très bon, Monaco il se rate, Saint-Etienne il se rate. Saint-Etienne, ils arrivent quand même à s'imposer dans un milieu Demande à tout le monde de ce qu'ils ont pensé d'Aïd Benacer l'année dernière. Ils ont tous dit qu'Aïd Benacer, ils aimaient pas. Mais qui à Monaco l'année dernière, c'est toujours pareil. Non, mais à un moment donné, après vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pungé, dans ce cas-là, quelqu'un de l'extérieur va te dire, mais Pungé il est super bon. Mais la preuve, puisque à Bordeaux il joue. Mais Benacer, ça peut être intéressant, ça dépend du prix. Benacer, c'est le joueur qui. Non, Aïd Benacer. Benacer, il est bon, il joue à Benacer. Mince, j'ai essayé de me convaincre. Non, Aïd Benacer. Non, ça peut être un bon joueur. Si par contre, au milieu, tu recrutes que lui, ça risque de piquer. Moi, le gros problème que j'ai, c'est pas que Aïd Benacer. Moi, mon gros problème, c'est Otavio aussi. Mais c'est pas qu'une question de bon joueur, mauvais joueur, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter à cet effectif. Pour moi, Aïd Benacer, c'est quelqu'un. Il peut être à l'arrière, Otavio, au moment où on peut arrêter avec lui, je pense. Comment ? Oui, mais. Lucas, vas-y. Moi, je pense que Otavio, c'est. Il fait que les passes vers l'arrière, il ne rend pas bien le jeu, donc je pense qu'il faudrait recruter un autre 6 à la place d'Otavio. Clairement. C'est ça, et c'est pour ça que je pense qu'Aïd Benacer, ça peut être intéressant dans le sens où c'est quelqu'un qui est capable de t'allonger le jeu, qui a quand même une certaine technique. Tant que. Moi, honnêtement, comment dire. Mais il peut pas être seul. Mais ça se rapproche plus du 8 à Aïd Benacer. Ouais, il te faut un autre milieu en plus de Aïd Benacer. Mais ça, on est bien d'accord. Et même au-delà du créateur, j'en viens à ce que disait Marc, il va falloir l'ailier aussi. Il va falloir quelqu'un qui puisse te créer les espaces sur les ailes, qui puisse l'ailier dans notre schéma de jeu. Tu peux arriver à t'en dispenser. Si t'as des pistons sur le côté, tu peux y arriver. Le problème, c'est au milieu, vous regardez le groupe maintenant, parmi les quatre, t'as Benrahma. De mettre deux Préville en relayeur, les gars, demain. Préville en relayeur. Vous auriez dit ça il y a 6 mois, vous pleuriez. Oui, mais s'il est bon, Cyril, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais s'il est bon, il n'a pas été bon contre Montpellier, il a été vaillant. Il a été vaillant, il a couru. Les mecs, vous avez vu un peu les trous qu'il y avait derrière? J'ai surtout vu la première mi-temps. Vous avez pas vu l'équipe? La première mi-temps, oui. Vous avez pas, vu la deuxième mi-temps, comment l'équipe elle était coupée en deux? Il y avait 20 mètres entre Otavio et Depréville. Ouais, mais t'as pas été plus en danger que ça, quoi. Oui, mais parce que Montpellier a pas attaqué. Et quand ils ont attaqué, ils ont failli marquer un but. Mais c'est la seule action qu'ils ont en deuxième mi-temps. Pour être complet sur Mounas, Mounas, je sais pas comment on dit, Mounas Dabur, ouais, alors ouais, Mounas Dabur ou Mounas Dabur, 27 ans, il n'a pas été convoqué avec le FC Séville pour jouer ce week-end contre Grenade. Alors il faut savoir qu'il a été acheté puis prêté dans la foulée à Salzbourg et donc du coup en fait il est. Parce que moi au début je croyais qu'il, vu qu'il est arrivé, que c'est ses premiers matchs à Séville, je pensais qu'il pouvait pas repartir. En fait, vu qu'il a signé en janvier dernier, mais qu'il a été prêté dans la foulée. Potentiellement, il peut partir. Tu peux pas faire trois clubs dans la même saison si tu joues pour les clubs. C'était le cas. D'accord. Donc tu peux ne jamais jouer. Vu qu'il a jamais joué, vu qu'il a jamais joué, quoi. D'accord. Mais c'est un peu ce que faisait Bennacer. Il a été prêté à Nancy, puis à Caen. Et par contre, Jules Koundé, lui, a été convoqué pour. Il est remplaçant contre Grenade. Donc à voir ce dossier Mounas Dabour. Si ça se fait, ça pourrait. Oui, un mec qui met 37 buts la saison dernière, on va pas cracher dessus. Non, mais évidemment. C'est toujours pareil. Il met 37 buts parce qu'il y a des gars qui lui mettent les balles. Hein. Mais ça, on est d'accord qu'il faut que ce soit couplé avec l'arrivée d'un mec au milieu qui l'alimente ou qui peut-être l'alimente que Lucas a une idée. Milieu. Ah oui, non, mais c'est sûr. Sinon, un 6 expérimenté ou un créateur. À part Ronaldo ou Messi, tu peux mettre le meilleur n'importe quel Lewandowski qui tu veux devant si t'as pas un mec qui lui donne les ballons. Et encore que Lewandowski, c'est peut-être. S'il a mis 37 buts, c'est que au moins il a eu 37 occasions. Messi, il se donne le ballon à lui-même et il remonte de terrain. Et puis, alors, un nombre de passes dés aussi dans ses stats, j'avais vu. Je crois qu'il fait 37 buts, mais je crois que c'est 10 ou 12 passes dés dans la saison. Enfin, le type est en mode machine. Mais à voir, évidemment, si ça peut. Mais ça sera un bon recrutement. Il y a autre chose, Lucas, sur lequel tu voulais réagir? La piste sur le 6, j'ai vu qu'il y avait des pistes avancées avec Gonalon. Gonalon, apparemment, moi, il y a une question que je me pose, puisqu'apparemment, on apprend que c'est Bordeaux, et non pas Gonalon, c'est Bordeaux qui a lâché l'affaire. Je me dis, est-ce qu'il n'était pas un petit peu cramé? Est-ce que Bordeaux s'est pas rendu compte que physiquement... l'argent, toujours est-il que ce que je vois moi, c'est ça que... Toujours est-il que ce que je vois moi, c'est qu'il a toujours pas signé à Rennes. Donc je me dis, Besiktas. Il était apparemment aujourd'hui, il était tout proche de Besiktas. Officiellement, pour l'instant, il y a pas. Besiktas ou Fenerbahçe. Moi, je me dis, est-ce que physiquement, ce garçon est vraiment au point? Mais c'est pas qu'une question de physique. C'est qu'honnêtement, Seb, on a fait une première mi-temps pour reprendre le match contre Montpellier. Tu fais une mi-temps avec Basic et Otavio au milieu. En deuxième période, tu mets Depréville et Otavio au milieu. Imaginons, je sais pas, que Souza, il ait une solution sur son banc qui est Maxime Gonalon. Est-ce que le fait de faire rentrer Maxime Gonalon... Mais Gonalon, il est titu, garçon. Si tu fais Gonalon, c'est Otavio qui sort. Bah oui. C'est pas Depréville. En l'occurrence, contre Montpellier, c'est Basic. C'est pas possible parce que tu peux pas jouer avec Gonalon. Ou alors tu joues que dans ton milieu parce qu'il y a personne qui fait une passe. Oui. Mais alors dans ce cas-là, qui fait une passe. Non, mais à la limite, presque peu importe que ce soit Otavio ou Basic qui sortent, qu'est-ce qu'aurait apporté Gonalon de plus dans ce match contre Montpellier? Il va tenir un milieu de terrain qui a 20 ans de moyenne d'âge, j'exagère un peu. Peut-être que le premier but, tu le prends pas parce qu'il va te mettre un bois à 40 mètres. Je te garantis, on en a parlé, je te garantis que les deux derniers buts que tu prends, ou les trois buts que tu prends contre Angers, mais le pauvre Jeffren Adélaïde, il signe pas à Lyon la semaine d'après. Hein. Il fait pas 15 mètres, il fait pas 30 mètres avec le ballon. Là, comme tu dis, on l'a laissé. Tu lui remets le même tacle qu'à Malcolm. On avait rien fait contre Angers, tu mets à le même tacle. Ok, bon, mais là, ça aurait été rouge parce que ça avait la VAR. Non, mais là, ça méritait quand même. Red Adélaïde, mais Red Adélaïde, la Ligue des Champions cette année, c'était pas pour lui. Peut-être. Angers, en même temps, tu mets Lautin et Tchouaméni titulaire. Là, t'as Otavio Basic. Moi, j'ai trouvé qu'Otavio, il tenait plutôt bien le milieu. Mais il y a un problème au milieu, clairement. Alors, Gonalon, s'il aurait apporté, Florent le disait, dans la relance, il apporte, il a quelque chose par rapport à Otavio, il est un peu meilleur dans la relance. Mais après, si on fait pas Gonalon, on fait qui au milieu? Et ça, le milieu expérimenté. Moi, quand je vois, je vais peut-être passer pour un fou, mais quand je vois que le petit Nîmois, Bobichon, il est sur le marché, je me dis un Bobichon à la place d'un Basic. Parce qu'il est bon, Il a une frappe de loin qui est terrible. Il est jeune, mais Basic, il est pas jeune, tiens. Non, mais. Il a une frappe de loin qui est terrible sur coup franc. Mais pour tourner, pour tourner autour d'un 6, Bobichon, mais ok, t'as pas trop de moyens, mais c'est pas très solution. C'est vrai que le là, on n'a pas de milieu, on n'a personne, et Souza doit s'adapter. Le fait qu'il essaye de Préville au milieu, même si c'est une solution de secours, si ça marche, ça montrera que déjà aux gens qui sont sceptiques sur Paulo Souza, ça montrera. C'est moi ce qu'il à quoi est... ça me fait penser, moi, de Préville en 8. Ça me fait penser à Poyet avec son 149. C'est-à-dire que les gars, j'ai un problème là. Je vous mets un gros coup de vœu. C'est la fin du mercato, un gros coup de luminaire. C'est là, regardez, là il y a un problème. Sankaré en 9, il fait vraiment un match horrible. De Préville, il fait un match. Enfin, il t'a sauvé les fesses quand même 3-4 fois, Sankaré. Non, mais ça me fait penser un peu à ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Regardez, les gars, je suis obligé de mettre un attaquant au milieu de terrain. Bah, c'est un peu, malheureusement, oui. C'est un petit peu. C'est une mauvaise solution quand même. Bah ouais, mais bon, est-ce qu'il a peut-être pas non plus vraiment le choix? Bah après, il a dit qu'il s'adapterait. Mais non, mais vous inquiétez pas, il reste quoi là, 10 jours, 12 jours de mercato. Ouais, c'est presque 10 jours. Faut arrêter de hurler dans 9, tous les sens. 9, ça se finit. On hurlera le 3 septembre si voilà, on hurlera le 3 septembre s'il y a toujours rien. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Mais ça sert à rien de hurler le 3 septembre vu que ça sera fini. Mais alors, parce que hurler avant, ça va servir à quoi? Non, mais du coup, on hurlera l'année prochaine. Voilà. C'est pas grave. Lucas, quelque chose à rajouter ou pas? Non, moi c'est bon. Parfait. Eh ben, merci à toi, mon merci petit. Bon, ben, merci à vous. Hein. Tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir. D'accord. Et puis si un jour tu es à Bordeaux de Périgueux, n'hésite pas à venir. Si, je sais pas si tu viens de temps en temps. J'y étais tout à l'heure d'ailleurs. J'y étais tout à l'heure. Ah, fallait rester. Fallait venir. Tu serais venu en Lucas. Il y a un problème, on a eu deux Lucas. Tu serais venu en Lucas, non, mais. Tu serais venu en studio. Que Lucas fasse transport en commun. La prochaine fois, avec plaisir, si t'as envie de passer un moment avec nous, tu viens, puis tu pourras assister. Comme tout le monde. Tu feras une émission avec nous. Merci, Lucas. Bonne soirée, bon week-end. Ciao. On va terminer donc. Par les féminines, donc. Je vais vous donner le groupe demain, 14h30, stade Saint-Germain, puisque dorénavant gratuit les filles jouent là-bas, gratuit pour les 100% Bordeaux. Donc logiquement, je pense que c'est tous les abonnés, parce qu'à un moment donné, il y avait eu un problème parce qu'ils avaient fait que les zones. Après, 100% Bordeaux, même si vous n'êtes pas 100%, c'est 5 euros, c'est pas non plus. Non, mais bon, si c'est gratos, c'est gratos. 14h30, donc. Saint-Germain, Bousca, voilà, je cherchais Bousca, Stade Saint-Germain. Alors, gros travaux, donc partez tôt. Les 5 recrues estivales, Charlotte Bilbao, internationale, Estelle Cascarino, la sœur de l'international. Non, c'est sa sœur. Ah, si, elle est internationale. Inès Jorena, Ulimata Sarr et Khadija Shaw, internationale. Ouais, elles sont toutes internationales, de toute façon. Il n'y avait pas eu Inès Jorena. Sont convoquées. Oui, j'ai dit Inès Jorena. Alors, Kathleen Souza. Qui gros a été problème. Largement sollicité par le Real Madrid, mais donc elle est dans la liste des 18. J'ai bien regardé. Alors, le plus gros transfert de tous les temps en Ligue 1, ça a été 150, c'est 100 000 euros. C'est comment elle s'appelle, celle qui était arrivée de Guingamp, qui a signé Mbok. Mbok. Voilà, 100 000 euros. Donc, une offre aujourd'hui de 60 000 euros sur Kathleen Souza, c'est le plus gros transfert de cette année. Si Bordeaux a des ambitions, moi je comprends qu'ils disent à un moment donné, si la fille elle veut pas rester, qu'elle va te faire chier toute la saison, ça sert à rien. Surtout que, apparemment, elle a averti le club dès avril qu'elle voulait partir. Mais c'est pas parce qu'un joueur a envie. Si toi demain tu veux quitter la boîte, ton patron te dit Cyril. Mais dans ce cas-là, faut être clair. Et donc, du coup, Sankaré, il a un contrat, faut le remettre. Et tout le monde. Parce que là, le club a quand même un double discours. Ouais, mais là, il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire que là, le club ne dit pas non. Double discours. Juste pour le faire chier. T'as un contrat qui m'emmerde, faut que tu te barres. Mais par contre, t'as un contrat, toi, t'as envie de te barrer puisque ça t'emmerde. Là, par contre, faut que tu restes. Je suis désolé, t'es sous contrat. Mais donc, du coup, oui, mais ceux du Loft, ils sont sous contrat, donc faut pas les faire chier. Ah, mais c'est pas pareil. Ceux du Loft, on en veut pas. Mais ils sont sous contrat, eux ils ont envie de rester. Oui, non, mais c'est la situation inverse, toi, en tout cas. Mais justement, alors pourquoi ça marcherait pas pour les joueurs et pourquoi parce que c'est plus facile de dégager les mecs. Moi, ça marche dans les deux sens. Donc, les gardiennes, Erin Naylor et Roman Bruno pour les gardiennes. Les défenseurs, Delphine Châtelain, Estelle Cascarino, je vous l'ai dit, Vanessa Gilles, Julie Thibault, André Allardez, qui a prolongé d'ailleurs jusqu'en 2021 ou 2, je crois. Et elle était là depuis le début. Elle est là depuis Libourne. Collègue, elles sont plus que deux. Il y a Sophie Stiard aussi. Kathleen Souza, je vous l'ai dit, Marine Péréal. Les milieux de terrain, donc Sophie Stiard, Inès Jorena, Goutiard Karchaoui et Charlotte Bilbao qui revient de la Coupe du Monde. Et les attaquantes, elles seront nombre de 5. Maëlle Garbino, Oulemata Sarr, Viviane Asseini qui revient également de la Coupe du Monde, Khadija Shaw et Camille Surdez. Alors, et on va pas se mentir. Qui est en reprise. Et oui, et Carla Bouges qui est en reprise parce qu'elle est toujours là. Demain, ça va quand même être un gros match. Je sais pas, ce Fleury, c'est quand même une belle équipe. Donc c'est une belle, un beau match de reprise. C'est la première journée. Comme équipe, comme adversaire, c'est plutôt... Bon, ça va, tu tombes pas sur Lyon, tu tombes pas sur une équipe chiante genre Montpellier. Avec un nouveau coach. Truc un peu, voilà. Saint-Germain, dans le moment, ça n'a pas trop été saccagé par le rugby. Bon, donc du coup le terrain devrait être à peu près pas Pedro mal. Martinez Loza, c'est ça, nouveau coach qui vient d'Arsenal. Exactement. Alors il a eu quelques déclarations, c'était sur France Bleu, pardon, où il dit la force de la D1 féminine, c'est d'avoir un club comme Lyon qui marque le foot féminin français, blablabla. Il parle évidemment des Girondines, on dit Girondins. Il y a encore un gros travail de base à faire, on doit créer des modèles pour vraiment, parce que oula, attendez, je suis perdu. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est bien jouer. Si on joue bien, les fans vont s'identifier, viendront voir les matchs, et si au final on peut gagner un titre, c'est ça qui rend heureux les fans. Alors gagner un titre, il y a de l'ambition aussi. Est-ce qu'il y a une coupe de France féminine? Il y a une coupe de France qui est mais avec Lyon c'est compliqué, Lyon et Paris c'est quand même très compliqué. Oui, mais Rennes les enfants nous a prouvé l'année dernière que sur un match, sur une finale, sur une finale, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui tu mets Rennes face au Real de Madrid et Barcelone et tu verras que Rennes ils gagneront pas. Mais l'année dernière, elles prennent certes une tannée à la maison, Bordeaux, par Lyon, mais rappelez-vous du match aller, elles se font pas exploser là-bas, elles perdent 1-0. Sur une saison, c'est compliqué. Donc sur un match, il y a un écart qui est quand même assez... Mais je parle sans coupe. Mais justement, un match de coupe. Mais oui, non, mais bon. Aujourd'hui, Lyon, ils ont 3 équipes. Et ouais, mais sur les 3 équipes, t'en as 2 qui sont meilleures que toi. Il y a surtout eu un bon recrutement et la possibilité de faire ce que faisait et ce que fait encore Montpellier. Si on est au niveau de ce qu'a fait Montpellier un jour, se mettre Montpellier, deuxième. Ils ont zéro titre, Montpellier. Oui, mais ils ont déjà été deuxième et ont joué la Ligue des Champions l'an dernier ou il y a 2 ans. Donc, c'était il y a 3 ans avant que Paris, que le Qatar commence à mettre. En match de préparation, elles ont quand même été assez, assez impressionnantes. Avec Shaw, alors, moi personnellement, vous je sais pas peut-être, mais moi j'ai vu que le match contre Bilbao, j'ai vu que celui-là, j'ai pas vu les 2-11-0 qu'elles ont mis au stade bordelais et je sais plus c'était qui l'autre équipe, mais bon, c'était je crois que c'était Jean Bergerac, mais contre le stade contre Bilbao, surtout le trio offensif devant, oui, non, mais c'est assez impressionnant. Alors après, sur toute une saison, est-ce que ça tiendra, surtout leur neuf là, Bunicho là, qui ressemble, qui est puissante et qui me fait penser, elle me fait penser, elle a dégagé une puissance. Nana, elle est grande. Elle est pas longue. Elle pourrait jouer contre les mecs, je pense. Honnêtement, franchement jouer. Elle est pas carrée comme un gars, tu vois. Elle est puissante. Elle a fait à un moment donné une accélération à la fin du match. C'était quand alors même... à relativiser le niveau de Bilbao. Je t'avoue que c'est une équipe que je connais pas. Féminine, je sais, connais pas leur niveau. C'était l'ancien club de Pedro Miguel, je sais pas quoi. Paoleta. Non, mais ça c'est Pedro Manuel Manosa. Losa. Rosa, non, c'est pareil. Alors Bilbao en Espagne, bon, je me suis un petit peu renseigné sur. Oui, c'est en Espagne sur le sujet. Bravo. Et même à Biscaya, tu vois, c'est la région du Pays Basque. Ça s'appelle Biscaya Euskadi. L'Athletic Bilbao en Espagne, dans son championnat, est habitué en général à jouer le podium. C'est-à-dire que dans les années 2000-2010, ils étaient souvent champions devant le Barça et l'Athletic. Est-ce que chez les féminines, le Barça et le Real sont deux grosses équipes? Non, le Real, ils n'avaient pas évidemment de créer. Le Barça, ils n'en ont même pas, je crois. Si. Elles ont fini, elles ont été en finale. Elles ont joué contre Lyon, contre Paris. Et puis, en ce moment, c'est elle d'ailleurs qui domine le championnat espagnol. Oui, donc en soi, gagner 4-2 contre Bilbao, c'est quand même une plutôt bonne performance contre une équipe qui a, alors maintenant avec le Barça et l'Atlético, c'est un peu plus compliqué, mais qui joue avec des champions fréquemment il y a quelques années. J'ai pas regardé, alors je vous pose la question. L'année dernière, c'était diffusé en multiplex sur Canal le samedi après-midi. Est-ce que c'est pareil, ça demain pareil, ça sera diffusé sur Foot Plus? Non, c'est Canal Plus Sport l'année dernière. Pour suivre le match, c'est Foot Plus, les matchs de foot féminin sur Canal Plus Sport, t'as quand même le multiplex. Et après, Canal Plus Sport. Mais si t'es abonné à Canal Plus Sport, en général, t'es abonné à Foot Plus. Donc tu peux voir le match en intégralité sur Foot Plus et tu as le multiplex à 15h sur Canal Plus Sport. D'accord. Donc si vous souhaitez regarder le match, d'ailleurs si un jour il y a quelqu'un du Canal Plus féminin qui accepte une interview avec nous, il y a pas de souci. Hein. Bah, faudrait qu'on l'invite peut-être. On les invite, mais il y a personne qui répond. Donc ah bon oh, bah, là, je sais plus comment elle s'appelle. Le harcèlement. Celle qu'on. Le harcèlement. Demain 14h30 donc au stade Saint-Germain, pour ceux qui savent pas où c'est, Cyril, c'est Au Bousca. Vous la tapez continuité sur voilà. C'est la continuité de l'avenue de la Libération qui est en travaux. Donc partez tôt. Partez à midi parce que demain en plus retour de trucs. Avant de se quitter, parce qu'il y a eu gavé de but en Ligue 2, un petit scoring. Le leader Clermont recevait le 15e la JOCR, 1 but partout. Me demandez surtout pas le buteur clermontois. Qui est le buteur fervent, toi? Grilbic. Bah, un gars qui s'appelle Grilbic. Qui est une jeune recrue autrichienne et qui est à suivre parce qu'elle n'arrête pas de marquer. Et aussi à égaliser à la 75e. Sochaux a... sur bien sa sûr. Pelouse, Sochaux n'a laissé aucune chance à l'AS Nancy Noël. Sochaux 12e, Nancy 10e, 3 buts à 0. Rodez. L'AS Nancy Noël était pas mal. Ouais. Ouais, c'est vraiment la fin de semaine. Rodez et Orléans, le 6e, recevaient le 17e. Gros match, 3 partout. Avec un scénario, les enfants, je suis en train de le découvrir, qui est quand même pas dégueulasse, puisque Rodez a ouvert le score. Dans la foulée, Orléans a égalisé. Rodez a repris l'avantage. Orléans a égalisé. Puis Orléans est passé devant. Mais Rodez a égalisé à la 93e minute, alors qu'Orléans avait pris l'avantage à la 83e. Ça devait être un petit match sympa. Le Paris FC 18e a perdu chez le 8e, là, c'est Ajaccio. Niort et Caen ont fait match nul, 1 but partout. Niort est 5e, Caen est 11e. Le 16e, Grenoble est allé perdre 3 buts à 1 sur la pelouse du 3e, Le Havre. 8 buts depuis le début de saison pour Kadewere. Ah oui, il a mis un doublé encore ce soir. Le mec, 5e journée. 5e match, je crois. 8 buts. Ouais, 8 buts. Chambly, le surprenant 4e de Ligue 2, est toujours 4e puisqu'ils ont fait match nul 0-0 contre Châteauroux. Et toujours invaincu. Et Le Mans, ah bah tiens, surprise. Non, pas surprise d'ailleurs. Oui. Surprise parce que Le Mans avait éliminé Lorient en Coupe de la Ligue lundi dernier, il me semble, ou mercredi. Et là, c'est Lorient en championnat le second, car c'est un doublé d'Ouissa qui est allé s'imposer 2 buts à 1 sur la pelouse du Mans, qui retrouve le stade de la MMA Arena en Angleterre. Aston Villa mène 1-0 face à Everton. Petite surprise également, c'est la mi-temps. Le Séville de Jules Koundé mène 1-0. C'est fini d'ailleurs, a gagné 1-0 face à Grenade, donc avec Jules Koundé, mais sans. Sans Jules Koundé. Enfin non, oui, non, mais avec Koundé, mais voilà. Villarreal, au bout de 8 minutes de jeu, mène 1-0. Le Borussia Dortmund, à 10 minutes de la fin, fait match nul sur la pelouse de Cologne, un but partout. Et c'est à peu près tout pour le foot européen. Et il y a Dunkerque qui est toujours leader de national avec Alexandre Loret. Le titulaire, attends, j'entends. Je crois qu'il est titulaire vu qu'il était titulaire sur tous les autres matchs. Ouais, j'ai et pas les compos. Gagné 2-1 contre le Red Star. Donc, d'accord. Eh bien, écoute, on va lui souhaiter une bonne saison. Messieurs, merci bien. On va se retrouver nous vendredi prochain 20h30 22h à RIG90.7 FM RIGFM.fr. Demain soir 20h. N'oubliez pas Dijon Bordeaux en multiplex ou sur un bin 1 2 3 4 5 6 je sais pas lequel. Oui. Pour être très les phrases complet, de fin. Oui. Non, juste pour être très complet, Aston Villa mène en ce moment 1-0 sur sa pelouse contre Everton avec Frédéric Gilbert qui est titulaire. Ah oui, c'est vrai, Gilbert qui joue à Aston Villa maintenant. Oh, j'avais complètement oublié. Ouais. Qui a pris un carton jaune au bout de 5 minutes. Mais ça, c'est l'effet Gilbert aussi. L'effet Gilbert. Les phrases de fin, Lucas. Oh, merci. Cyril, voilà. Allez au stade demain à 14h30 à Saint-Germain. Exactement. Abonné ou pas abonné d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il? Adrien. Il est dans le groupe. In Kamano, we trust back. Ouais, et we trust. We trust go home, non? We trust ça in pas Ryanair. We trust out loin. D'ailleurs, avant la fin, si vous pouvez m'apprendre comment fonctionne ce téléphone. T'inquiète, aussi. T'inquiète. Non, mais là ce soir c'était hyper remis. Marc qui va parce que quand Marc t'appelle 4 fois en 40 secondes. Allez, on. Bah ouais, pour ma part, ça sera toujours pareil, Girondin. C'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci de nous avoir subis. Merci, messieurs. Bonne soirée, bon week-end, bon match demain. On se retrouve vendredi. Et allez, Bordeaux. Hop.